Ici c'est Viva, il est 9h. Le journal, Sébastien Pierret, bonjour. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Et ce conseil, ne rangez pas les lunettes de soleil et la crème solaire, elles seront encore bien utiles aujourd'hui. Une nouvelle vague de chaleur traverse notre pays aujourd'hui et demain. Denis vient de nous le dire, jusqu'à 32 degrés ce mardi. Le record d'il y a 69 ans sera battu. Le plan chaleur est activé, mais la situation est moins critique qu'il y a quelques semaines. Ce niveau aussi est moins important que celui que nous avons connu au moment de la vague de chaleur il y a quelques semaines au mois d'août. L'intensité sera relativement comparable, mais la durée sera moindre. On aura ici 2 jours de forte chaleur, alors qu'au mois d'août, on avait 5 jours. Au plus la vague de chaleur s'éternise, au plus le risque augmente aussi pour les personnes à risque, comme les personnes âgées, les enfants en bas âge. Alors le premier conseil que l'on peut donner, c'est de bien s'hydrater. Un autre conseil, c'est au moment où il fait très chaud, c'est de limiter les efforts physiques et plutôt rester dans des endroits relativement frais. Les recommandations d'Olivier Brasseur de Bruxelles Environnement, joint par Yasmina Favaro. La Croix-Rouge va fermer 10 centres d'accueil provisoires pour réfugiés, 9 en Flandre, 1 en Wallonie, celui de Jalais en province de Liège. Depuis la fermeture de la route des Balkans, les demandeurs d'asile sont moins nombreux à arriver chez nous. 300 personnes travaillent dans ces centres provisoires. Elles vont perdre leur emploi. Le stress au travail commence dès que vous sortez de chez vous. Et oui, et même si vous partez bien à temps, vous n'êtes jamais vraiment certain d'arriver à l'heure au boulot. Embouteillage, retard dans les trains, métro bloqué, le trajet domicile-travail est imprévisible et ça stresse les travailleurs, Yasmina Favaro. Oui, qu'ils soient en train de manger leur volant dans les embouteillages ou trépignant sur le quai d'une gare à cause de leur train en retard, ne pas savoir à quelle heure ils vont arriver au boulot, ça les ronge, ces travailleurs. Un conducteur sur 3 déclare être stressé, contre un navetteur sur 4. Ce sont les chiffres de cette enquête du bureau d'études Sécurex. Et toute cette anxiété à cause du trajet, ça les rend plus sensibles au burn-out. Écoutez Eric Ames de Sécurex. Ce stress ressenti dans le trajet entre le domicile et le travail va venir quelque part accumuler et renforcer le sentiment de stress ou de burn-out qu'ils peuvent ressentir au travail. Au contraire, les personnes qui se rendent au travail à pied ou à vélo sont moins stressées. Mais bon, ça, tout le monde ne peut pas se le permettre, surtout si vous avez 100 km à parcourir tous les jours. Alors Yasmina, est-ce que des solutions existent pour éviter le stress de ces trajets imprévisibles ? Eh bien, l'étude avance le télétravail ou encore le covoiturage. Elle encourage d'ailleurs les employeurs à faciliter ces systèmes. Un autre point révélé par l'étude, c'est la nécessité du trajet. Près de la moitié des travailleurs que nous avons interrogés a déclaré avoir besoin de son trajet entre le domicile et le travail pour déconnecter, pour se détendre, pour faire la transition entre le privé et le travail et inversement. Donc, habiter loin de son travail n'est pas un souci. Par contre, les petits tracas sur le trajet, oui. Merci beaucoup Yasmina Favaro. Les commerçants appelés à dénoncer les clients soupçonnés de terrorisme. Les autorités ont rédigé une brochure avec la liste des produits susceptibles d'intéresser les terroristes comme l'acétone, l'acide sulfurique ou encore l'engrais par exemple. Si un client achète ces produits en grande quantité, qu'il paraît nerveux, qu'il n'a pas d'explication plausible et qu'il paye en liquide, eh bien c'est suspect. Les commerçants sont invités à avertir la police. Les magasins de bricolage, de peinture et les pharmacies ont déjà reçu les premières indications sur la procédure à suivre. Une information du Last News et du Morgan ce matin. Aux États-Unis, en pleine campagne présidentielle, Donald Trump vient d'inaugurer son 10e hôtel. Oui, l'homme d'affaires milliardaire possède de nombreux buildings aux États-Unis. Le dernier en date, l'ancienne poste historique de Washington, transformée en hôtel de luxe 5 étoiles, du faste des grandeurs à l'image du candidat républicain. Mais cette transformation ne plaît pas à tous les Américains. Notre correspondante Sonia Dridi a rencontré des manifestants présents lors de l'inauguration. C'est la dernière acquisition de son empire immobilier. Après 2 ans de travaux et près de 200 millions d'euros de rénovation, l'ancien bâtiment de la Poste, situé à 5 pâtés de maison de la Maison Blanche, a été transformé en hôtel de luxe par Donald Trump. Son nom s'impose sur la devanture et ça ne plaît pas à tout le monde. Des dizaines de manifestants ont protesté hier devant l'hôtel toute la journée, comme Ben qui travaille dans un cabinet d'avocat. C'est une insulte au peuple, aux contribuables. Ce bâtiment est un bâtiment fédéral historique et il a été donné presque gratuitement à Donald Trump. alors que sa campagne est basée sur le pire aspect de la société américaine, le racisme, la bigoterie, la haine des immigrés, et cet hôtel de luxe est aussi une représentation des inégalités flagrantes. Natacha, l'une des organisatrices du rassemblement, est furieuse. Nous avons besoin de logements pour les sans-abri. On aurait pu utiliser ce bâtiment national pour plein d'autres choses plus utiles. Dont le prix des chambres commence à 800 euros, peu d'électeurs de Trump pourraient se permettre de séjourner dans son hôtel. Mais qu'il soit élu président ou non, il aura toujours une résidence sur la célèbre Pennsylvania Avenue. Donald Trump, qui a souhaité un prompt rétablissement à sa rivale Hillary Clinton, se repose pour soigner sa pneumonie, mais elle a tout de même pris la peine de répondre aux questions de CNN la nuit dernière par téléphone. « Je vais beaucoup mieux », a-t-elle déclaré. Hillary Clinton qui promet de faire toute la transparence sur son état de santé. Et bien, un mot de football, Sébastien, avec la Ligue des Champions qui redémarre ce soir. Une belle affiche déjà au programme aujourd'hui. Le PSG reçoit les Anglais d'Arsenal, deux clubs qui ne se sont pas souvent croisés en Coupe d'Europe. Et Birouzaki. Il s'agit du premier affrontement entre ces deux clubs depuis le 29 mars 1994. À l'époque, Arsenal s'était imposé 1-0 lors du match retour et filait alors en finale de la Coupe des vainqueurs de Coupe. C'était il y a 22 ans et le Français Arsène Wenger n'était pas l'entraîneur d'Arsenal, il ne l'était pas encore. Il est arrivé en fait 2 ans plus tard et il a enchaîné plus de 1000 matchs pour Arsenal, dont 7 très particuliers pour lui. Les 7 derniers matchs qu'Arsenal a effectivement joué en France, Arsène Wenger et ses joueurs les ont tous gagnés. Voilà qui augmente sans doute la confiance côté anglais. Après la défaite spectaculaire contre Liverpool, Arsenal a pris 7 points sur 9, là où le Paris Saint-Germain reste sur une défaite à Monaco et un nul à domicile face à Saint-Etienne. Or, à Paris, même sans Zlatan Ibrahimovic parti à Manchester United, on rêve de jouer la finale et de la remporter. On rêve de ne plus s'arrêter en quart de finale comme lors des 4 dernières éditions. Les Gunners, c'est le surnom des joueurs d'Arsenal, n'ont jamais perdu en France. Ils caressent d'autres ambitions pourtant plus modestes. Ne plus buter en 8e de finale comme cela a été le cas lors de leurs 6 dernières participations à la Ligue des Champions. Et côté belge, on sera très attentif à l'affrontement entre Manchester City et Mönchengladbach. Kevin De Bruyne qui reçoit Thorgan Hazard. Un club belge est engagé cette saison en Ligue des Champions, Bruges qui joue à domicile demain contre Leicester. À Rio, la délégation paralympique belge a décroché une 3e médaille cette nuit. Le pongiste Florian Van Acker a remporté l'or en tennis de table. Et puis un autre rendez-vous important aujourd'hui à 17h, Joachim Gérard disputera son quart de finale en tennis en fauteuil. Son adversaire sera le double champion paralympique japonais Shingo Kunedia. RTBF Mobile Info, Stéphane Piebeuf, et des ralentissements ce matin en province de Liège. Effectivement, ils sont habituels hein, sur le 40 Aix-la-Chapelle Bruxelles à hauteur de Cherat où le chantier vous ralentit. Par contre, ce qu'il est un petit peu moins, c'est le chantier situé sur le 25 entre Tilf et Beaufailly, entre Beaufailly et Tilf vers Liège. Donc à partir de Bastogne, les automobilistes ralentissent. Vous perdez 30 minutes si vous êtes concerné en direction de la Cité Ardente. Et ces ralentissements ont des répercussions sur les nationales avoisinantes, à savoir la nationale 62 où il faut ajouter 20 minutes supplémentaires et la nationale 30, 10 minutes de plus. Heureusement, ce chantier se termine jeudi après-midi. Pour rejoindre Bruxelles, 25 minutes supplémentaires sont nécessaires sur le 40 qui vient de Liège, où vous ralentissez entre Bautersem et Woluwe-Saint-Etienne. Une vingtaine de minutes également sur le 411 en provenance de Namur, entre Overijs et le Carrefour Léonard. Et puis un quart d'heure en plus sur le 19 qui vient d'Anvers. Vous êtes ralenti à partir de Malines Sud jusqu'à Mechelen sur le ring de la capitale. On perd encore une trentaine de minutes en circulation intérieure entre Grand Bigard et Zaventem, et 30 minutes aussi en circulation extérieure entre Ittre et le Carrefour Léonard. Et sur le réseau secondaire, un accident s'est produit sur la Nationale 6 Bruxelles-Mons à hauteur de Nimy au Carrefour de la Violette. La circulation est ralentie au niveau de la sortie 23 Nimy-Mézières de l'autoroute E19 en direction de Mons. Blavier, mon partenaire pour construire ma maison. Maison Blavier. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Belle journée sur Vivacité, sur la Une en télé, c'est vous qui le dites avec Benjamin Maréchal. Allez, prenez une bouteille d'eau à côté, ça dure 2 heures. Voici, c'est vous qui le dites. Sur vandenborg.be, vous verrez chaque jour le nombre de prix adaptés. Les prix les plus bas, tout le monde peut le dire. Mais Vandenborg le fait. Vandenborg. Matin en direct sur Vivacité, l'actu et les grands débats de société. Benjamin Maréchal vous donne la parole au 07 septembre 233 466. C'est vous qui le dites. Trois débats sur la table et un seul à partir de 10h pour aller plus loin. Au 070-233-466, samedi, un agriculteur de Wans a pulvérisé son pesticide pendant une heure juste à côté du terrain de foot où jouent les jeunes. Cet homme est-il un inconscient ou il a juste fait son job? C'est donc un papa inquiet qui a lancé l'alerte. Samedi matin, près de 300 personnes se trouvent sur et autour des terrains de l'entente sportive de Wans-Bazoa à Antey, sur la commune de Wans. Et c'est le moment que choisit un agriculteur pour pulvériser son champ. Plus d'une heure de pesticides. Le papa filme et s'étonne sur TVI que personne ne lui donne la composition de ce qui a été pulvérisé. Toxique, pas toxique, dangereux, pas dangereux, quelles conséquences? L'agriculteur est interpellé par les parents, mais il ne répond pas, pas la moindre information et une forme d'indifférence qui met le père d'autant plus en colère que la commune ne peut rien faire. Pas de plainte, pas de procédure. C'est la question pour vous ce matin. Samedi, un agriculteur de Wans a pulvérisé son pesticide pendant une heure, juste à côté du terrain de foot où jouent les jeunes. Cet homme est-il un inconscient ou il a juste fait son job? Le gouvernement doit-il accepter les prépensions à 50 ans pour les employés de Caterpillar? Pour l'instant, il refuse. 50 ans, vous dites oui ou c'est trop jeune? Le système actuel permet donc des prépensions, enfin on appelle ça maintenant des chômages avec complément d'entreprise. Le système actuel permet donc des prépensions à 56 ans dans les cas de restructuration. Peu de salariés de Caterpillar pourraient en bénéficier puisque 800 personnes sont parties en 2013 avec un système de prépension à 52 ans et demi. Des seniors, il n'y en a presque plus. Les syndicats demandent donc un geste au gouvernement, c'est-à-dire réfléchir à la prépension à 50 ans. Le CDNV est contre. Chris Peters a parlé de raisons stratégiques, ne rien dire à Caterpillar pour ne pas lui donner d'armes. La NVA, par contre, est beaucoup plus franche et ne veut pas. Le chômage avec complément d'entreprise augmente les coûts de la sécurité sociale. C'est donc l'ensemble des Belges qui payerait. Vous noterez au passage dans ce dossier qu'à l'époque, les travailleurs de Fort Genk, eux, ont bénéficié de la prépension à 52 ans. La question pour vous ce matin, le gouvernement doit-il accepter les prépensions à 50 ans? 50 ans pour les employés de Caterpillar. Pour l'instant, il refuse. 50 ans, vous dites oui ou c'est trop jeune? Et puis au 070-233-466, toute la Flandre se demande ce qu'est une jupe trop courte. Une école d'Eusden-Zolder vient de renvoyer 50 jeunes filles qui ne respectaient pas le règlement. Mais c'est quoi une jupe trop courte? L'affaire du collège Saint-Francis d'Eusden-Zolder prend donc une tournure polémique très inattendue. Des dizaines de filles, 50, ont été exclues parce qu'elles sont venues à l'école avec une jupe trop courte. C'est écrit dans le règlement. Rien te korte kleding, pas de vêtements trop courts. Le texte s'étend aussi aux pantalons, aux t-shirts qui laisseraient apparaître les épaules. Pour l'école, le règlement est clair, pour les parents, un peu moins. La direction de l'école a reçu des dizaines d'appels de parents fâchés qui estimaient que leurs filles n'étaient pas habillées comme des prostituées. Du coup, le Laatstenus ce matin a fait le tour des écoles pour comprendre la bonne longueur en prenant les jeunes flamandes en photo. La question pour vous. Toute la Flandre se demande ce qu'est une jupe trop courte. Une école d'Eusden-Zolder a renvoyé 50 jeunes filles qui ne respectaient pas le règlement. C'est quoi une jupe trop courte? Zoé Boss, standard ouvert. À mes côtés, Marion Jomotte décroche le téléphone au 070-233-466 et lit vos SMS au 3063 50 cents par message. Ce matin, trois débats dans C'est vous qui dites. Des pesticides près d'un terrain de foot, des prépensions à 50 ans et des jupes trop courtes. Le débat, c'est vous qui le faites. En toute ponctualité, bien sûr, Charlotte Von Bever, journaliste à La Dernière Heure, et Martial Dumont, journaliste politique à l'Avenir, sont avec nous dans le studio ce matin. Charlotte et Martial, bonjour. Bonjour Benjamin. Bonjour tout le monde. Premier débat sur la table, samedi, c'est le jour du football à Wans, donc dans cette commune d'Antey. Et là, l'agriculteur vient dans le champ juste à côté et commence une heure de pesticides. Malgré l'affolement, il ne s'arrête pas. Est-ce que cet homme, Charlotte, est un inconscient? Il y a 300 personnes dont des jeunes. Sur le coup, oui, il est inconscient. Je peux bien comprendre, c'est son métier. C'est nécessaire pour lui de passer dans son champ, d'utiliser des pesticides. Mais il voit quand même bien clairement qu'il y a des gens qui sont sur le terrain avoisinant, qui sont en train, des enfants en plus, qui sont en train de jouer. Donc, il pouvait peut-être décaler ce moment-là à une à deux heures près. Et c'est très bien à quel moment, en général, les équipes de foot jouent en plus sur le terrain à côté. Mais vu la charge et la difficulté, la pénibilité de ce métier d'agriculteur, est-ce qu'il y a un autre choix? On sait qu'il y a un peu les bêtes, qu'il y a d'autres champs, qu'il faut pouvoir tout caser dans une journée. Est-ce qu'il n'est pas contraint de faire ça à ce moment-là, l'agriculteur, Martial? Non, je ne pense pas. Il y a quand même 24 heures dans une journée. Je ne crois pas que ça aurait... perturber son planning s'il avait décalé son épandage d'une heure. Maintenant, on sait très bien, encore une fois, comme le disait Charlotte, que c'est son métier. Des pesticides, je crois qu'il n'a pas fait quelque chose d'illégal. Vous comprenez, la crainte des parents qui, à ce moment-là, se disent « Bon, on le reçoit dans le visage, je panique ». Vous comprenez cette crainte ou pas? Oui et non, parce que, voilà, de toute façon, les pesticides, on sait que c'est quand même pas bon pour la santé, qu'on soit à côté ou qu'on le soit pas. De toute façon, c'est quand même des choses qu'on va manger par la suite. Les vents sont là et font et dispersent un peu les pesticides. Donc, je ne pense pas que ça change grand chose. Si ce n'est qu'effectivement, il y a le côté d'une part extrêmement désagréable parce qu'on sait que quand ils mettent des pesticides et qu'il y a des épandages comme ça, il y a rien à faire. Il y a souvent des problèmes olfactifs. Ça sent vraiment pas bon. Et c'est vrai que faire ça juste à côté en plus de gens qui font du sport, c'est pas. C'est pas la meilleure des choses, c'est sûr. Malgré tout, Charlotte, est-ce que vous validez la plainte de ses parents où des pesticides, on en a tellement partout que là ou ailleurs, peu importe. Est-ce que ses parents ont exagéré autrement ? Bien sûr, oui. Pour autant, pour vous, je peux comprendre la crainte. Évidemment, c'est le côté désagréable qui prime, mais en même temps, c'est vraiment de l'exagération. En plus, on sait très bien que ces terrains de foot, encore sur plein de terrains de foot, j'en étais sur un récemment, ils passent quand même des espèces de pesticides pour garder. Si vous acceptez la nuisance olfactive. Alors, ils ont le droit de se plaindre. Ou la nuisance olfactive, c'est pas très grave. La nuisance olfactive, c'est grave, c'est désagréable. C'est pas grave, c'est désagréable, parce que comme disait Martial, il y en a partout, même dans les pommes qu'on mange, sur un terrain de foot, je suis désolée, les terrains de foot, quand ils sont beaux et bien entretenus, eh bien, ils passent des pesticides autour du terrain de foot. Donc, le gamin qui se mange de l'herbe parce qu'il trébuche, il mange à ce moment-là du pesticide. À un moment, il faut pas non plus, je veux dire, ce monsieur est bien gentil, mais... Pourquoi l'agriculteur y répond pas, alors? On va le trouver, on lui demande, et il a l'air de s'en foutre, en français dans le texte, complètement. Parce que pourquoi? Quelque part, il a raison, il pourrait juste dire, oh, je suis désolé, voilà, je vais bouger mon tracteur ou peu importe, et j'aurais pas dû faire à ce moment-là. Mais le monsieur doit quand même travailler. Agriculteur, c'est l'un des métiers les plus difficiles au monde. Où on travaille pas 8 heures par jour, 6 heures par jour. On n'a pas le temps d'aller voir ses gamins au foot, justement. Donc, il doit travailler 7 jours sur 7. Donc, il a mal choisi son moment. Mais après, je pense qu'il a quand même autre chose à faire que se justifier parce qu'il a passé des pesticides à cette heure-là. Il pouvait pas faire un peu de pédagogie. Lui seul, connaissant le contenu de la citerne, il pouvait pas, Martial, faire un peu de pédagogie, s'arrêter 2 secondes dans l'épandage? Oui, effectivement, il aurait pu maintenant donner la composition du produit et en tout cas réclamer la composition du produit de la part des parents. De toute façon, on sait que des pesticides, c'est des pesticides et que globalement, ce n'est quand même pas trop bon pour la santé. Voilà. Donc, je pense que, en tout cas, pour le confort des gens qui étaient autour de terrain, pour le confort des gamins qui étaient en train de jouer, effectivement, je peux comprendre que les parents aillent demander à cet agriculteur est-ce que vous voudriez bien décaler ou arrêter, en tout cas pendant le match de foot. Ça, je peux le comprendre. Et je trouve que le fait que l'agriculteur les envoie comme ça, bouler en ne répondant pas, c'est pas très malin non plus. Il y a quand même un modus vivendi. Quand on vit ensemble en société, il faut pouvoir parfois un peu être flexible et d'un côté et de l'autre. On demande un avis à Aiguezé. Roland, Lynn, bonjour. Oui, bonjour. Samedi, un agriculteur de Wans a pulvérisé son pesticide pendant une heure juste à côté du terrain de foot où jouent les jeunes. Cet homme est inconscient ou il a juste fait son job? Je ne sais pas si on peut appeler ça de l'inconscience, mais il n'a pas tenu compte de ce qu'il devait faire, quoi. Et qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Retarder. Il y a toujours moyen plus tard de le faire. Et puis par ces chaleurs, on ne pulvérise pas trop. Vaut mieux faire ça le soir, par exemple. Vous qui avez été jardinier pendant 25 ans, qui connaissez ces produits, c'était pas le bon moment samedi matin? Il y avait un meilleur moment en termes de technique et d'agriculture? Non, oui, c'était certainement pour lui peut-être le bon moment, mais il y avait d'autres moments. Et s'il y a des gens, vous savez, moi j'ai pulvérisé ça. J'ai des tas de clients. Non, c'est pas agricole, c'est horticole, moi. Mais c'est quand même les mêmes produits, pratiquement. Je demandais quand je pouvais le faire. Et je regardais par rapport au ton, au temps, et pas le mercredi après-midi quand il y avait des gosses, par exemple. Vous saviez ce qu'il y avait dedans? Parce qu'ici, on vient poser des questions à l'agriculteur, il répond pas. Mais vous saviez ce qu'il y avait dans les produits ou pas? Oui, par exemple, le Roundup, c'est du glyphosate, on sait ce que c'est, les gens le demandent, on leur dit, voilà. Et ne tondez pas autant un jour après, n'allez pas dans la pelouse une journée ou deux après, attendez qu'il pleut, et voilà. Mais donc ce monsieur, l'agriculteur, il savait. Il a fait la sourde oreille, mais il savait. Il s'en fout. Et pourquoi il s'en fout? c'est un peu la mentalité. Bah, ils ont beaucoup de travail, ils le font, point barre, ils s'en foutent. Ils ne tiennent pas, même pas compte de l'agression de l'homme, vous savez. Moi, où je suis ici, quand j'ouvre ma porte, il vient du sud, patacrac, ça rentre chez moi. Ah, ils s'en foutent, point barre. Roland, on verra si on peut aller plus loin dans cette conversation tout à l'heure. Rapidement, autour de la table, Martial, Charlotte. Est-ce que cet agriculteur mérite maintenant une sanction, Charlotte? Non, je n'irai pas jusqu'à la sanction, certainement pas. Jusqu'à la remontrance ou rien du tout? Oh, une petite remontrance peut-être, mais pas la sanction. Il est dans l'exercice, voilà, il travaille. C'est clair qu'il a manqué de civisme à ce moment-là, mais de là à aller s'ennuyer, à exiger quoi que ce soit de l'agriculteur, non. Il doit venir s'expliquer publiquement devant les 300 qui étaient là? Non, je ne pense pas. Effectivement, c'est un manque de civisme qui est regrettable. Mais encore une fois, il n'a rien fait de mal. Maintenant, je suis assez d'accord avec la personne qui vient de téléphoner. Je crois que souvent, malheureusement, les agriculteurs qui ont un peu la tête près du bonnet, ils s'en foutent parce qu'ils disent voilà, on a un métier compliqué, on fait ce qu'on peut. De toute façon, s'en foutent. Point barre. Ce sont les mots de Roland Déguisé. Samedi, un agriculteur de Wans a pulvérisé son pesticide pendant une heure juste à côté du terrain de foot où jouent les jeunes. Cet homme est-il un inconscient ou il a juste fait son job? Dans un instant, le deuxième débat sur la table. Le gouvernement doit-il accepter des prépensions à 50 ans? 50 ans pour Caterpillar. Ensuite, la Flandre qui ne comprend pas ce que ça veut dire. Jupe trop courte. Pouvez-vous les aider? Et puis 10h45, la question qui dérange. Bruxelles a complètement raté la fête du sacrifice hier. Plantage sur le site unique d'abattage mis en place par la région. À 21h, certains n'avaient toujours pas reçu leur mouton. Qui a foiré? C'est vous qui le dites, vous donne la parole. En direct, au 070 233 466. Par SMS, 3063, 50 centimes par message. BMW, aujourd'hui, c'est 100 ans de plaisir de conduire et d'innovation. Un anniversaire que nous fêtons en vous offrant les BMW Innovation Deals. Profitez par exemple de 11 675 euros d'avantage sur la BMW série 5. Une offre exclusive grâce à laquelle votre BMW est encore plus exclusive. Les BMW Innovation Deals, c'est jusqu'au 15 octobre chez votre concessionnaire BMW. Infos et conditions sur bmw.be. La Meuse, la Nouvelle Gazette, la Province, Nord-Éclair et la Capitale vous offrent une entrée gratuite pour le plus beau parc miniature d'Europe à Bruxelles. Ce samedi 17 septembre, recevez une entrée adulte d'une valeur de 15 euros à l'achat de votre journal. Une excursion magnifique pour toute la famille. Une place gratuite dans chaque journal, c'est ce samedi 17 septembre. Encore une exclusivité. Les 16, 17 et 18 septembre, la commune libre de l'île au Sacré vous invite à ses fêtes traditionnelles. Vendredi à 17h, ouverture officielle avec les Brussels Caledonians et Walcher and Dendervol. Samedi à 16h, les Gilles de la ville de Charleroi. Dimanche dès midi, ambiance de fête avec le groupe Saxafon. Les 3 jours, braderie rue du Marché aux Herbes. C'est la fête dans l'île au Sacré. Toutes les infos sur ilosacré.be. Le concert 100% Sounds for Research en faveur de la recherche contre la leucémie. Avec Puggy, Les Innocents, Cocoon, La Grande Sophie, Musti, Soul, Nicolas Testa, Hollywood Porn Stars et d'autres surprises. Le 27 octobre à la Madeleine à Bruxelles, en présence de Virginie Efira et François Damiens. Info et tickets, concert100%.be. Avec Viva Bruxelles. En télé, sur la une, dépassement de soi, émotion, performance, Viva Rio les Paralympiques, votre émission quotidienne présentée par Christophe Delstange, tous les jours après le JT, sur la une. Voir et revoir, rtbf.be/ovio. Vous avez raté un ou plusieurs épisodes de la deuxième saison de la websérie Pas de stress. Ayez le bon réflexe et regardez vos épisodes où, quand et comme vous voulez sur rtbf.be/ovio. A-U-V-I-O. RTBF Ovio, libérez vos envies. Chaque matin, Benjamin Maréchal vous donne la parole. C'est vous qui le dites. On commente l'actualité avec vous, avec Martial Dumont, journal L'Avenir, avec Charlotte Van Bever, journal La Dernière Heure. Voyons quelle conversation s'impose dans la deuxième partie. Le gouvernement doit-il accepter les prépensions à 50 ans pour les employés de Caterpillar? C'est une demande syndicale, le gouvernement n'est pas chaud, sauf qu'en faisant passer le système de prépension à 50 ans, eh bien on pourrait sauver 700, 800 personnes qui sont pour l'instant dans la masse salariale de Caterpillar. Porter la prépension à 50 ans alors que le système dit actuellement que pour une restructuration de masse, c'est 56 ans. Est-ce que vous êtes favorable, Martial, à ce que le gouvernement passe à 50 ans ? Alors, je peux comprendre qu'on essaie de trouver des solutions pour tous ces malheureux travailleurs de Caterpillar. Maintenant, 50 ans, sur le plan psychologique, je trouve que c'est très dur, parce que quand on a 50 ans, on est... On est vieux ou on est jeune au travail ? Encore en pleine force de l'âge, et se retrouver sans boulot comme ça, et à la pré-pension à 50 ans, je trouve que franchement, psychologiquement, c'est dur. Je connais des personnes qui l'ont été à 52, je peux vous dire qu'elles ont galéré pendant un ou deux ans, même si après, effectivement, il y a le côté positif, c'est qu'on peut passer toute une partie de sa vie encore en pleine forme et profiter d'autres choses que le boulot. Je vous donne quelques indications parce que ça mettra en perspective la question. Donc, les travailleurs de Ford Genk ont eu une prépension à 52 ans. C'était un autre système législatif. En 2013, les premiers licenciés des Caterpillar ont eu une prépension à 52 ans et demi. C'était un autre système. Et ici, on leur demande d'attendre 56 ans. C'est trop tard, 56 ans, Charlotte ? Mais je m'étonne moi-même, en fait, de ma réponse, enfin, de la réponse que je vais vous donner sur Caterpillar. C'est-à-dire que moi, ça ne me choquerait pas que ces gens partent en prépension à 50 ans. Simplement, 50 ans ? Simplement pourquoi ? Alors que je ne suis pas du tout favorable à la prépension, déjà. Simplement parce que je me dis que ces personnes-là, je ne sais pas dans quel secteur elles vont retrouver du travail à 50 ans, mais il y a peu de chances. Donc quand on nous sort l'argument que... Elles doivent rester disponibles pour le marché du travail dans le nouveau système. Oui, mais ça, de toute manière. Quand on nous dit que de toute façon, le trou de la sécu va encore augmenter, etc., je pense que de toute façon, ces personnes... vont peut-être pas trouver, donc ce sera de toute façon du chômage, tandis que là, ce sera du chômage amorti avec la charge de l'entreprise en plus, s'ils partent en prépension. Quand on voit ce que les entreprises donnent en complément de chômage... Ça répartit la charge même, c'est pas que le système État qui paye. C'est vrai, mais enfin, c'est quand même pas... Vous y croyez pas. Est-ce que ça donne un mauvais signal ? Si on accepte 50 ans pour Caterpillar, est-ce que demain, un prochain licenciement, on devra donner 50 ans aux autres ? Alors ça, c'est le deuxième argument contre la prépension aussitôt, c'est que il y a une règle qui, normalement, c'est 56 ans. Si on commence à faire des dérogations systématiquement pour toutes les entreprises qui sont en difficulté comme ça, on donne des arguments aux entreprises et aux multinationales et aux patrons pour licencier. Comment voulez-vous ? Ces patrons vont s'en foutre. De toute façon, on peut licencier. Le gouvernement va faire une dérogation. Allez hop, on mettra tout ça à la prépension, liquider, ça va être facile. Non, on ne peut pas donner ces arguments aux patrons et des facilités pour ces pseudo-licenciements, parce que c'est des licenciements Canada Dry, ça, il faut bien le dire. Est-ce qu'il a raison alors Chris Peters quand il a dit hier « Silence, ne parlons pas de ça, ça va dévoiler un peu nos cartouches aux employeurs et à tous les patrons ». Il a raison Chris Peters quand il dit « Silence sur le 50 ans ». Quand il dit « Silence », d'accord, ok, c'est vrai, c'est bien, c'est mieux de ne pas trop communiquer là-dessus. Maintenant, est-ce que ça veut vraiment dire qu'il a ça dans ses cartouches, que c'est vraiment son intention ? C'est peut-être juste une manière d'un petit peu noyer le poisson et de ne rien dire. Vous ne pensez pas que le gouvernement acceptera 50 ans ? Comme disait Martial, ça peut créer un précédent. De toute façon, là, déjà, on va s'appuyer sur Ford Genk en disant « Oui, mais pourquoi est-ce qu'eux ont bénéficié de ça ?» Le tout serait dû faire simplement du cas par cas. S'il y a moins de gens concernés que ce qu'on ne pense, ils ne sont pas non plus des centaines à partir à la prépension à 50 ans, pourquoi les forcer tous, par exemple, à partir de la prépension ? Il y en a peut-être qui le veulent, peut-être qu'ils sont épuisés de 30 ans de travail. Ce n'est pas un métier rigolo tous les jours. Pourquoi pas faire au cas par cas ? Mais imposer comme ça... Quand une entreprise ferme, dit allez, on va vous aider parce que vous êtes des centaines, des dizaines, des milliers, on va vous aider. Et d'office, ça veut dire que le prochain sera pareil, le suivant, et puis quoi ? Peut-être qu'un jour, on va se retrouver à 45 ans, avec une prépension à 45 ans. C'est le risque. Voyons ce qu'on en pense à Liège. Salvatore est en ligne. Bonjour. Oui, bonjour. Le gouvernement doit-il accepter des prépensions à 50 ans ? 50 ans pour les employés de Caterpillar ? Absolument pas, je regrette. Pourquoi ? J'entends vos interlocuteurs, là. C'est trop facile, comme il disait, il y a un plan social, une grosse boîte, donc ça se situe toujours dans des grosses sociétés, les plans sociaux, c'est pas dans la petite PME, quand on va commencer à se mobiliser, il y a des lois, comme je dis. Moi, je dis, je veux bien, c'est normal qu'il y ait un plan social pour toutes ces personnes. Salvatore, Ford Genk, ils sont partis à 52, et ici vous allez demander à des gens d'attendre 56. Mon frère est parti à 48 ans, en pension, monsieur, en pension. Dans quel secteur il a eu sa pension à 48 ans ? Il était mineur en France. Les mines fermées. Mais c'est un autre débat. On est en Belgique. Je parle en Belgique. Alors je vous refais la question. Il y a un homme que vous connaissez qui a eu 48 ans. Des travailleurs à Ford Genk qui ont eu 52. Des anciens de Caterpillar qui ont eu 52 et demi. Et vous demandez à ceux-ci d'attendre 56. Monsieur le maréchal, 52, 56, peu importe, c'est du chômage déguisé. Ce sera le contribuable qui va payer. Ce sera de notre poche. Mais il y a un complément d'entreprise. C'est ça la prétention. Oui, la cote-part du CO de l'entreprise sur greffe, elle est infime. Même avec les cellules de reclassement, on sait ce qu'elle... Vous savez comment ça s'appelle maintenant, pour qu'on soit clair dans les termes, on dit prépension à la grosse louche, mais officiellement ça s'appelle chômage avec complément d'entreprise. C'est plus la prépension comme on l'a connue à l'époque. Salvatore, c'est un non à la prépension à 50 ans. Tranche autour de la table, on en reste là. À quel âge alors la prépension raisonnable? Ou alors vous restez sur 56, c'est la loi actuelle. Martial? J'imagine que si on a décidé 56 dans la loi, c'est qu'on a estimé que c'était l'âge raisonnable. Mais je trouve que 50 ans, c'est très tôt. 50 ans, très tôt, si pas trop tôt. L'âge alors, le bon âge, Charlotte? Dans ce cas-ci précis, j'hésite, mais le bon âge pour la prépension, pour moi, serait même au-delà de 56 ans, donc bien plus tard. Ah, au-delà, bon. Ah oui, puisqu'on va travailler, nous, jusque 67, donc franchement, ça fait quand même un sacré décalage. À vous de vous faire un avis, on verra si le gouvernement accepte. Hein. Doit-il accepter les prépensions à 50 ans pour les employés de Caterpillar? Vous dites oui, ou alors c'est trop jeune. Dans un instant, le troisième débat sur la table. Toute la Flandre se demande ce qu'est une jupe trop courte. Une école a renvoyé 50 jeunes filles. C'est quoi une jupe trop courte? Et puis 10h45, la question qui dérange. Bruxelles a complètement raté la fête du sacrifice hier. Plantage sur le site unique d'abattage mis en place par la région. Hier à 21h, certains n'avaient toujours pas reçu leur mouton alors qu'ils attendaient ça depuis 14h. Qui a foiré? C'est vous qui le dites, vous donne la parole. En direct au 070 233 466. Par SMS 3063, 50 centimes par message. Vive à Bruxelles, en toute complicité, sur 99.3 FM. Dans mon magasin de Roycebrook, je vous propose tout pour embellir votre intérieur et je pose gratuitement tapis et vinyle à partir de 9,99€ le mètre carré. 9,99€ le mètre carré. Moins cher, c'est illégal. Voir conditions en magasin. Aller skier de bon cœur? Hôtel, ski pass, matériel, check, c'est parti! Ou aller skier le cœur léger? Assurance, check, c'est parti! Lâchez-vous, Neckermann s'occupe de tout. Hôtel, ski pass, matériel et assurance. Réservez maintenant vos vacances d'hiver au soleil et recevez jusqu'à 500€ de réduction first minute. Neckermann, vous êtes en vacances. Avis de recherche. Nous signalons la disparition du dénommé Michel Janssens. Cheveux bruns, la quarantaine, il a été vu pour la dernière fois à bord du nouveau Hyundai Tucson en train de faire un test drive. Michel, si tu nous écoutes, tu nous ramènes le Tucson, s'il te plaît? Merci. Le nouveau Hyundai Tucson, ça va être dur de nous le rendre après l'avoir testé. Découvrez cet SUV impressionnant ainsi que toute la gamme chez votre distributeur Hyundai lors des journées portes ouvertes du 9 au 17 septembre inclus. Hyundai, new thinking, new possibilities. Vous êtes marcheur, vététiste ou coureur à pied? Vivacité présente le 5e Éco-Trail de Bruxelles. Une course 100% nature sur 9, 18 ou 80 km. Rendez-vous le 24 septembre au pied de l'Atomium. T-shirt et repas offerts à tous les participants. Info ecotrailbrussels.com. Avec la DH, Moustique et le magazine Zatopek. Ce samedi, il y a eu plein de gagnants, mais le jackpot loto n'a pas été gagné. Bon, c'est bien dommage. Mais alors, en compensation, une blague idiote. Attention, quel est le métier préféré des taupes? Top modèle. Ça ne vaut pas le jackpot. Hein. Jouez donc au loto ce mercredi. Il y a près de 2 millions d'euros à gagner. Ah oui, alors là, j'arrêterai mes blagues. Là oui. Merci loto. À la maison, profitez plus ensemble. Chou, on irait bien en vacances entre mecs en Thaïlande. C'est bon ça les gars, oui. Vraiment? On part 3 semaines, 3 000€? Mais qu'est-ce que tu attends? Mais vas-y. Parfait, je réserve mon billet. Yes. Tu disais quoi? Pendant qu'elle regarde le basket à la TV, il réserve des vacances avec ses potes grâce à l'internet ultra rapide et la télévision digitale d'Orange. Vous aussi, profitez plus et payez moins à partir de 39€ par mois. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Conditions sur orange.be. Chaque matin, Benjamin Maréchal vous donne la parole. C'est vous qui le dites. Troisième débat sur la table, avec vous bien sûr, en fonction de vos appels, un débat s'impose, avec Martial, l'avenir, avec Charlotte, la dernière heure, les sports. Toute la Flandre se demande ce qu'est une jupe trop courte. C'est le scandale dans une école d'Eusden-Zolder. Cette école a renvoyé 50 jeunes filles en précisant que le règlement disait bien, en néerlandais dans le texte, « Geen te korte kleding », pas de vêtements trop courts. Ça vaut pour les t-shirts, on ne peut pas montrer les épaules. Ça vaut aussi pour les jupes. Sauf que c'est le tollé en Flandre, y compris dans la presse ce matin encore. Ça veut dire quoi, une jupe Trop court, Charlotte. Je sais pas du tout parce que j'ai l'habitude de mettre des shorts et je ne me suis pas encore fait arrêter à l'entrée de mon entreprise. Donc Ah ben là, c'est dans une école. Ils en expulsent 50. C'est énorme, hein, c'est deux classes. Je vois les photos là qui sont sur les écrans. Ces jeunes filles n'ont pas l'air d'être... Alors si vous nous regardez sur la une télé, ce sont des photos que là de ce nu. Ça a été prendre partout en Flandre à la sortie des écoles pour voir comment se comportaient les petits flamands. Parlons taille. Est-ce qu'une jupe trop courte, c'est à ras des fesses pour vous? C'est à ras où on dévoile un bout de la fesse, oui, ou de la petite culotte, oui, ça c'est trop court. Dans une école, Martial, est-ce qu'il y a des règles dans les écoles qu'on n'applique pas au reste de la vie? Dans le reste de la vie, chacun s'habille comme il veut. La question, Benjamin, c'est est-ce qu'il existe des jupes trop courtes? D'après cette école de Zinzolder, oui. Ouais, mais ils ne définissent pas. Qu'on impose des règlements d'habillement dans les écoles, ça m'énerve positivement parce que c'est vraiment infantiliser les gens. Globalement, c'est quand même bien que les jeunes s'habillent de manière respectueuse et je dirais, les jeunes filles ne vont pas aller fagoter comme des jeunes filles de mauvaise vie, comme on disait avant à l'école. Les parents ont appelé l'école en disant nos filles sont pas des prostituées. Il faut évidemment leur faire confiance. Deux, quand on fait un règlement comme ça, quand on veut faire le malin, il faut aller jusqu'au bout. C'est-à-dire je connais, c'est pas assez précis C'est quoi effectivement une jupe trop courte? Moi je connais une école où il y a le même règlement, mais on le dit, voilà, une jupe trop courte, c'est une jupe qui est au-dessus du genou. Bon, bah ok, c'est peut-être pas la réalité, mais en tout cas, au moins on sait à quoi s'en tenir. Un règlement où on dit une jupe trop courte, ça laisse fatalement la place à l'interprétation. Après, il ne faut pas s'étonner qu'il y a des problèmes. Est-ce qu'on peut chipoter ou ce règlement est vraiment flou? Rien ne te corte clading, pas de vêtements trop courts. C'est clair ou c'est imprécis, Charlotte? Non, c'est tout à fait imprécis. Alors, si on vous voyez bien l'esprit derrière. Oui, je comprends bien l'esprit derrière, mais ce qui est trop court pour moi ne l'est peut-être pas pour vous et pour Martial. Et pour, voilà, on n'a pas les mêmes limites. Et surtout, si c'est pour imposer un règlement, ben alors on impose l'uniforme. Et clairement, voilà, enfin, il y a des écoles où l'uniforme existe. On aime, on n'aime pas. Si on a envie que son enfant porte un uniforme, on le place dans telle école. Si on a envie que son enfant puisse un peu s'exprimer librement. Et puis, c'est un plaisir aussi, on oublie toujours, mais pour une jeune fille. C'est un plaisir de s'habiller le matin pour aller à l'école, de comparer ses vêtements avec ceux de ses copines, etc. C'est un plaisir. Donc si on veut ôter ce plaisir-là, alors on introduit quoi? L'uniforme partout en Flandre, dans toutes les écoles. Un mot sur le volontarisme de cette école. 50 jeunes filles expulsées, Martial. 50 jeunes filles. C'est complètement absurde et une fois de plus, enfin, je veux pas stigmatiser, mais ça arrive dans une école catholique. Il y a quand même un certain jésuitisme. C'est lié. Il y a un certain jésuitisme aussi. Je connais une école où la directrice, en début d'année, faisait un laïus sur les jupes trop courtes, sur la manière de s'habiller, et elle avait une jupe à ras des fesses en expliquant ça aux élèves. Alors, donner le nom de l'école ou pas? Non. Ok, très bien. Le volontarisme de cette école, Charlotte. 50 jeunes filles. C'est beaucoup, 50 jeunes filles. C'est énorme. Et puis je me mets à la place de ces jeunes filles qui sont rentrées chez elles en se demandant ce qui leur arrivait. Elles n'avaient rien fait de mal. Elles n'avaient pas eu c'était pas fait renvoyer de l'école, pas pour comportement inadmissible ou autre. Enfin, je me dis, mais les pauvres filles, le lendemain, quand elles se sont habillées, qu'elles se sont retrouvées devant leur garde-robe, elles ont dû bien paniquer en se disant, flûte, si ça tombe, si je mets ça de nouveau ce soir ou cet après-midi, je vais de nouveau être renvoyée chez moi. Alors demandons une définition à Ransard. Christine est en ligne. Bonjour. Oui, bonjour. Et je sais que vous avez à la maison une fille de 14 ans. Toute la Flandre se demande ce qu'est une jupe trop courte. Une école de Zinzolder a envoyé 50 jeunes filles qui ne respectaient pas le règlement. C'est quoi une jupe trop courte? Mais pour l'école de ma fille, c'est au-dessus du genou. Au-dessus du genou. Et pour vous? Oui. Il ne faut pas exagérer non plus. Hein. On ne va pas tous les mettre dans le même panier, mais bon... Mais votre fille aimait le désir de mettre des jupes qui sont... beaucoup plus haute que le dessus du genou? Non, pas du tout. Non. Mais enfin, si on fait ça pour les filles, ils font ça pour les garçons à l'école aussi. Hein. Un short trop court, c'est au-dessus du genou. Je vous demande un avis sur les tenues de jeunes filles, puisque ça fait polémique en Flandre. Est-ce qu'une jupe qui arriverait à mi-cuisse, vous voyez, très très courte, mi-cuisse, c'est trop pour vous ou c'est pas trop? Je crois que c'est tous les jeunes s'habillent comme ça pour l'instant. Oui, mais on est à l'école, hein, c'est dans le cadre de l'école avec un règlement qui dit pas trop court. Est-ce que c'est indécent, ça, une jupe à mi-cuisse dans une école? Non. Le short à ras des fesses, parce que certains en Flandre ne comprennent pas pourquoi quand on vient avec une jupe à ras des fesses, on est exclu, alors que quand on vient avec un short à ras des fesses, on n'est pas exclu. Est-ce que le short ras des fesses vous gêne ? Ras des fesses, oui, quand même. Le short et la jupe ? Oui. Pourquoi cette école, elle a renvoyé 50 jeunes filles, à votre avis ? Parce que c'était dans le règlement et bon quand je vois des photos, moi personnellement je trouve pas ça trop court de nouveau. Mais... Ah ben pour certains c'est trop court. Connectez-vous à la page Facebook si vous les voyez pas en télévision. Christine, dans l'école de votre fille, c'est au-dessus du genou. Dernière chose, et puis on en reste là, je vous demande maintenant une définition claire et ce sera votre position pour les deux heures qui arrivent. Une jupe trop courte, c'est une jupe qui, Charlotte, je vous laisse continuer la phrase. Une jupe trop courte, c'est une jupe qui laisse entrevoir des parties du corps qu'on ne devrait pas voir, sauf dans l'intimité. Voilà. Laisse entrevoir, ok, parties du corps, sauf dans l'intimité. Martial ? Une jupe trop courte ? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, il a tranché. Il y avait un homme et une femme, Charlotte Van Bever, Martial Dumont. Bonne journée tous les deux. Bonne journée. Bonne journée. C'est vous qui le dites, au 070 233 466. Et par SMS, 3063. 50 centimes par message. Samedi, un agriculteur de Wans a pulvérisé son pesticide pendant une heure juste à côté du terrain de foot où jouent les jeunes. Cet homme est-il un inconscient ou il a juste fait son job ? Le gouvernement doit-il accepter les prépensions à 50 ans pour les employés de Caterpillar ? Vous dites oui ou c'est trop jeune ? Et puis toute la Flandre se demande ce qu'est une jupe trop courte depuis qu'une école d'Eusden-Zolder a renvoyé 50 jeunes filles qui ne respectaient pas le règlement. C'est quoi une jupe trop courte ? 070-233-466, SMS 3063, nous sommes à Tournai. Alain, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes agriculteur. Eh bien, samedi à Wans, l'agriculteur pulvérise le pesticide. Il y a 300 jeunes qui sont sur le terrain de l'entente sportive de Wans-Bazoa. Cet homme est un inconscient ? Non, pas du tout, non. Ah ben, et le pesticide vient dans le visage des parents et des joueurs ? Non, tout d'abord, c'est comme j'ai expliqué à votre collègue. Hier, on a parlé dans l'actualité du traitement des pommes de terre. À l'heure actuelle, on ne passe plus de pesticides. Ce sont tous des fongicides. Donc, il n'y a aucun danger. Bon, ce monsieur, qu'est-ce qu'il mettait sur un terrain, alors ? Qu'est-ce qu'il devait mettre, puisque vous connaissez les compositions ? C'est sûrement un fongicide. Ça, c'est sûr et certain. Un fongicide ou alors un herbicide. Ou alors de l'engrais liquide. On est d'accord qu'un fongicide, c'est contre les champignons. Exactement. On est d'accord que c'est un peu chimique. Oui, on est d'accord là-dessus. Eh bien, les enfants, c'est du chimique. Cet homme est un inconscient ou pas ? Non, monsieur. Il arrive un moment où ces gens-là, ils cultivent peut-être 200-300 hectares de pommes de terre. Cette personne-là, s'il rate un jour, toute sa culture est foutue. Donc il peut pas se permettre d'arrêter Nico Aniquet. Et il arrive un moment où il a un ras-le-bol, parce qu'on est toujours agressé par les gens extérieurs, tous ces écolos, je m'excuse de le dire, mais c'est comme ça, tous ces écolos. On arrive moissonner à 10h au soir, on se fait agresser parce qu'on fait trop de bruit. Mais pourquoi il ne dit pas alors, Alain ? Pourquoi il ne dit pas aux parents inquiets, écoutez, si je fais mon fongicide demain, je mets ma récolte en l'air ? Pourquoi il ne le dit pas ? C'est si simple à expliquer. Alors, il y a un moment où il y en a certains, ils sont au bout du rouleau, hein, c'est comme ça. Et vu la conjoncture actuelle, ça ne va pas s'améliorer. Et donc il y a 300 personnes qui sont en demande d'explication, et parce qu'il est au bout du rouleau, il peut ne pas répondre. Il y en a qui c'est comme ça. Et vous êtes comme ça ? Non, on peut s'expliquer et puis c'est tout. Hein. Voilà. Vous n'êtes pas comme ça, mais s'il avait fait ça à un autre moment, la culture était finie. Alain, vous êtes à Tournai. RTBF Mobile Info, maintenant Stéphane. Un accident sur le 42 Namur-Liège à hauteur de Pontias. C'est la bande du milieu qui est neutralisée. Il y a déjà 3 km de fil en direction de la cité ardente. Et puis deux chantiers vous ralentissent en province de Liège toujours. Le premier sur le 25 Bastogne-Liège entre Beaufay et Tilf. Toujours 6 km de ralentissement et 25 minutes à ajouter en direction de Liège. Et puis le chantier de Cherat, bien sûr, sur le 40 avec la chapelle Bruxelles à hauteur de Cherat. Vous ralentissez essentiellement vers Bruxelles sur 6 km. Il faut ajouter 15 minutes. Sur le ring de la capitale, ça va mieux. On perd à peine 15 minutes entre Grand Bigard et Zaventem en circulation intérieure, une vingtaine de minutes entre Ittre et le carrefour Léonard pour la circulation extérieure du ring, et puis pour rejoindre Bruxelles, ça va mieux aussi. Ajoutons quand même 15 minutes sur le 40 qui vient de Liège, où vous ralentissez à partir d'Everlay jusqu'à Woluwe Saint-Étienne. 15 minutes supplémentaires également sur le 411 en venant de Namur, entre Overijse et Léonard. Blavier, mon partenaire pour construire ma maison. Maison Blavier. Un problème sur la route ? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Et dans un instant, c'est un homme qui viendra dire à la Flandre ce que c'est une jupe trop courte. À Eusden-Zolder, on a renvoyé 50 jeunes femmes. Vivacité présente 500 échoppes, marché aux fleurs, concours d'animaux, brocante et braderie, concert de Mister Cover. L'ambiance sera à la fête ce 13 septembre au marché annuel d'Anderlecht, place de la Vaillance et alentour. Ce 13 septembre, c'est la fête Anderlecht. On n'est pas des pigeons, vous non plus? Alors rendez-vous dès 11h sur Vivacité. Vivacité La 3 et BNP Paribas Fortis présentent la 31e édition du Festival international du film francophone de Namur. Fiction, documentaire et animation, plus de 140 films du 30 septembre au 6 octobre. Faites le plein d'émotions au FIF. Plus d'infos sur fif.be. Avec la ville et la province de Namur, la Fédération Wallonie-Bruxelles et la Wallonie. Sprite. Du pur rafraîchissement, et puis c'est tout. Sprite, born to refresh. Vivacité présente, en partenariat avec Engie Electrabel, le beau vélo de Ravel. Venez redécouvrir ce dimanche, sans voiture, Bruxelles ma belle. Rendez-vous dès 10h pour déjeuner sur l'herbe, au pied de l'Atomium. À 13h, tous en selle avec Joël Scorils. Et à 16h, concert gratuit de Willy William et Magic System. Venez bouger avec nous, ça vous fera un bien fou. Avec le soutien de la Wallonie. En forme pour préparer le beau vélo de Ravel avec Engie Electrabel. Alors, vous avez déjà fait une bonne prise? Moi, oui. Une assurance auto qui me coûte moitié moins cher. Et oui, j'ai pris l'assurance au kilomètre de Corona Direct. Direct. Et en plus, j'ai directement reçu 3000 km gratuits. Direct. Direct. Direct. Ne payez que les kilomètres que vous parcourez réellement avec l'assurance au kilomètre de Corona Direct. Et recevez maintenant en plus 3000 km gratuits au 02 244 22 22 ou sur coronadirect.be. Direct. Excusez-moi, oui. La Peugeot 208, là, le parc assist, elle l'a? Elle l'a. Et la caméra de recul, elle l'a? Elle l'a. Elle a bien plus que ça. Elle a l'Active City Break et elle a le Mirror Screen aussi. Ah bon, elle l'a? Non, elle les a. Ah oui? Ah bah oui. En septembre, chez Peugeot, on en fait un max pour nos clients parce que c'est le mois du max. Profitez de reprises exceptionnelles, de l'offre 50-50, 50% de remise sur 100% des options et de 3 ans d'entretien offerts sur les véhicules de stock. Rendez-vous dans tout le réseau Peugeot. Offre soumise à condition. Et au 0 70 233 466 sur la table, Zoé, le gouvernement doit-il accepter les prépensions à 50 ans? À 50 ans pour les employés de Caterpillar, vous dites oui ou c'est trop jeune à ce propos? Et à ce propos, Pierre Dehaene dit qu'il est hors de question qu'il ait des prépensions à 50 ans, c'est beaucoup trop tôt. Selon Pierre, il faut se mettre à la page. Lui devra travailler jusqu'à 56 ans grand minimum et il ne compte pas commencer à trimer pour les autres. Des prépensionnés à 50 ans, ça fait un trou dans le budget du gouvernement et des inégalités sociales en plus. À 50 ans, on est encore valide pour rechercher un emploi. Chacun doit faire un effort. Après tout, la crise économique impacte tout le monde, nous dit-il. C'est vous qui le dites à Wavre. Jonathan, bonjour. Bonjour Benjamin. Et vous êtes le papa d'une fille de 3 mois. Toute la Flandre se exactement demande ce qu'est une jupe trop courte à Eusden-Zolder. L'école a renvoyé 50 jeunes filles qui ne respectaient pas le règlement. C'est quoi une ouais jupe trop courte pour vous? Pour moi, trop court, clairement, à partir du moment où ça va s'approcher de la fesse ou ras de la fesse comme ça, c'est clairement trop court. À partir du moment où on va être juste au-dessus du genou, je pense que c'est quand même acceptable pour des jeunes filles de 15 ans. Il y a un règlement d'intérieur, il faut le respecter. Moi, je suis tout à fait d'accord avec l'école. Oh, mais alors, il y a un truc qui ne fonctionne pas en Flandre, hein, parce ouais que, et ça vaut aussi pour les écoles francophones. Il y a des écoles où on a exclu les jeunes filles avec des jupes à ras de la fesse, celles que vous n'aimez pas, ouais, mais avec un short à ras de la fesse, là, les jeunes femmes ont pu rester dans l'école. Pourquoi? Ah ben là, on ferait bien de se mettre d'accord sur ce point-là, parce que clairement, on est dans le même cas. Hein. Ça, c'est sûr qu'il faut aussi bien renvoyer les shorts que les jupes, etc. Il faut peut-être essayer de voir un nouveau règlement, je ne sais pas, peut-être se mettre d'accord là-dessus. Mais en tout cas, c'est clairement pas une bonne idée. Qu'est-ce qui fonde votre opinion? Parce que le Laatste Nieuws, qui a photographié des dizaines de jeunes femmes en Flandre ce matin à sortie de l'école, n'a que ça dans ses photos. Des jeunes filles qui ont des jupes, si par de la fesse, poil en dessous. Qu'est-ce qui fonde votre raisonnement? On a des ados qui ne sont juste plus des enfants et on va les laisser se balader comme ça, relativement dénudés, excusez-moi, mais avec tout un tas de désaccès qui se baladent quand même un peu partout en Belgique et dans d'autres pays. Mais elles n'ont pas la poitrine offerte, hein, elles n'ont pas la poitrine non, offerte, sûr, c'est juste non, bien un, sûr, mais une bon, jupe faut courte. Pas... On a des garçons qui sont en train de se construire aussi, qui vont commencer à avoir leurs hormones en ébullition, aussi bien filles que garçons. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée de les laisser se balader comme ça. Exclure 50 jeunes filles. Ça peut donner 50 oui. jeunes filles mises à la porte de l'école, c'est pas exagéré? Et s'il y avait 50 shorts, ils auraient dû exclure 50 shorts aussi. Et si elles ne comprennent pas pourquoi, je pense que leurs parents devraient leur expliquer pourquoi. Ah ben non, les parents ont appelé l'école en disant « Excusez-moi, mais ma fille n'est pas une prostituée ». En néerlandais, dans le texte, je peux vous le faire si vous le souhaitez. Jonathan, quand ça se rapproche de la fesse, c'est trop court. Nous sommes près de Visé maintenant. Nelly, bonjour. Oui. À propos de Caterpillar, le gouvernement doit-il accepter les prépensions à 50 ans? 50 ans, Nelly. Oui, mais je suis contre parce que mon mari a été prépensionné à 52 ans et s'est senti inutile dans la société. Voilà. Qu'est-ce qu'il a fait après ses 52 ans? Ben, il n'a plus rien trouvé comme boulot. Il a cherché. Ben voilà, c'était fini, quoi. Trop vieux, trop d'expérience et voilà. Oui, mais il y a un problème. La question n'est pas est-ce qu'on va s'embêter après. La question est... À Fort Genk, ils ont eu 52 ans. Les licenciés oui. de Caterpillar de 2013, ils ont eu 52 ans et demi. Et moi oui. qui suis aujourd'hui à Caterpillar, je devrais attendre 56 ans, comme le prévoit la loi. Faites un geste, acceptez 50. Non, mais moi je voulais... Non, je laisse tomber. Parce que je voulais témoigner vis-à-vis de mon mari qu'il a été prépensionné à 52 ans et qu'il est... Qui ne l'a pas accepté, quoi. C'est voilà. quoi le bon âge, alors? C'est quoi le bon âge pour être prépensionné? 60 ans. 60 ans? Ah ben, on n'y est pas. Là, dans des cas de restructuration, la loi actuelle dit 56 ans. Voilà pourquoi les syndicats demandent 50 ans. Nelly, dès 52, votre mari s'est embêté. On verra si cette conversation s'impose tout à l'heure. Une nouvelle pause, et puis à Fléron, Xavier viendra nous dire si l'agriculteur qui met son pesticide à côté du terrain de foot de Wans est un inconscient. Pearl Opticien coupe les prix en deux. 50% de réduction sur toutes les lunettes, verre basique inclus. Ça vous la coupe, hein? Conditions sur pearl.be. Hérisson, tu te dandines sur les sentiers du Ravel. Tu louvois, tu dodelines lorsque les journées sont belles. Tu dégaines tes piquants au moment où vient Manon, chevauchant son vélo blanc, et pff, c'est la crevaison. Sur le Ravel, en tout temps, règne la loi du hérisson. Voilà pourquoi les AP Assurances vous proposent l'assistance vélo. Une assistance 24 heures sur 24 pour toute la famille à 60 euros par an. Plus d'infos sur lap.be. Les AP Assurances, toujours à vos côtés. Ceci est un produit d'assurance d'AGA International SA Belgian Branch. Paul est tout heureux de montrer à son ami Jean l'intérieur full équipé de sa toute nouvelle Seat Ateca. Mais Jean préfère rester à l'extérieur. Oh, super tes jantes. T'as vu ça? Allez, viens que je te montre l'écran de ma caméra Top View. Et sa ligne, quoi, elle est superbe. Entre, viens voir mon chargeur sans fil. Ça va, je le vois très bien d'ici. Bah, allez, monte, je t'emmène faire un tour. Je peux? Oh, il est jaloux. Elle est trop belle. Nouvelle Seat Ateca avec freinage automatique d'urgence. Le SUV le plus équipé du marché à partir de 19 990 euros. Découvrez-la lors de nos portes ouvertes du 14 au 24 septembre. Seat. Dewey Car Center, votre concessionnaire Kia du nord de Bruxelles à Meis et à Vilvoorde, vous invite à découvrir la nouvelle Kia Niro, le nouveau crossover hybride. Conditions exceptionnelles sur toute la gamme pendant les Kia Surprise Days jusqu'au 24 septembre à Meis et à Vilvoorde. Plus d'infos sur dwcc.be. Dewey Car Center. Viva Bruxelles présente la fête des familles pour l'inclusion des personnes handicapées. Dans une ambiance festive, participez à une foule d'activités pour tous, aux ateliers créatifs, à des spectacles ludiques. Rendez-vous le 17 septembre au stade Tordelt à Skarbek pour la fête des familles. À l'initiative de la commune de Skarbek et du gouvernement francophone bruxellois. Tu as remarqué, plus les journées raccourcissent, plus les nouvelles collections automne augmentent. Toi, tu es passé chez Espace Mode. Et je compte bien y retourner avec toi. Stop aux automnes moroses. Espace Mode présente toutes les nouveautés de la saison dans les marques les plus tendances. Sweat, jupe, pull, pour toute la famille et pour tous les goûts. Espace Mode sera ouvert ce dimanche 18 septembre de 10h à 17h. Espace Mode à Péroué et à Genval. Retrouvez-nous sur Facebook et notre e-shop espacemode.be. Au 0-70-233-466, toute la Flandre se demande ce qu'est une jupe trop courte depuis qu'une école d'Oostenzolder a renvoyé 50 jeunes filles. C'est quoi une jupe trop courte, Zoé, à ce propos? Et à ce propos, excusez-moi pour le petit problème de micro, Benjamin, à ce propos, j'ai eu Patricia de Mont-Saint-Guibert. Une jupe trop courte, c'est une jupe où l'on peut voir sa culotte. Et encore, si une femme veut montrer sa culotte, rien ne l'en empêche, nous dit Patricia. Elle ne prône pas la vulgarité, attention, mais sous prétexte d'hormones masculines, la femme ou la jeune fille ne doit pas être bridée. Nous ne sommes pas des objets de plaisir. Si la femme a chaud, qu'elle se mette en jupe à l'école ou ailleurs. Les femmes, elles ne s'offusquent pas quand les hommes mettent des pantalons moulants et qu'on devine leurs attributs, ou quand ils font tomber le haut en jouant au foot. Pourtant, c'est tout aussi sexy et provoquant pour Patricia. Nous sommes à Fléron. Xavier, bonjour. Oui, bonjour. Dansez-vous qui le dites. Samedi, un agriculteur de Wans a pulvérisé son pesticide pendant une heure juste à côté du terrain de foot où jouent les jeunes. Je vous demande si cet agriculteur a fait son job ou si c'est un inconscient. Ben, c'est un inconscient. Je crois qu'il pouvait quand même réfléchir à faire à d'autres moments. S'il ne le faisait pas, Alain a dit, s'il ne le faisait pas, la récolte était foutue. Oui, je connais aussi les agriculteurs, ils sont vite pour pleurer. Hein. Donc pour une heure, sa récolte, elle aurait été directement foutue. Non, c'est du n'importe quoi. Bon, attendez, les jeunes jouent au foot tout le samedi. Hein, vous savez bien comment ça se passe dans un club. S'il y a 300 personnes, à 11h30, c'est pas plié. Ils vont jouer tout le samedi. Hein. Ouais. Et quoi, il n'avait que ce moment-là, pile ce moment-là et que le samedi pour le faire. Vous l'avez bien dit tout à l'heure, ils travaillent 7 jours sur 7. C'est leur métier, ils ont fait ce choix de faire ce métier-là. Donc pour moi, il avait un autre moment. Moi, j'habite à Fléron, sur le plateau de Herf, où moi aussi, j'ai des prairies à côté de chez moi. J'ai aussi un problème avec un agriculteur, par exemple, qui est venu pulvériser juste à côté de chez moi son purée par les fortes chaleurs, que normalement c'est réglementé, et je sais très bien que ces gens-là, vous ne pouvez rien leur dire, parce que vous avez... Ça vous a gêné ou pas, Xavier? Il vient faire ça à côté de votre terrain, ça vous gêne? Quand on pulvérise dans 35 degrés, et que vous avez tout ce qui va avec les mouches et tout ce qui va avec, je vous dis, il faut tenir à côté, il faut tenir. Hein. Il fait son travail, monsieur. Il fait son travail, monsieur, voilà ce qu'on me dit. Écoutez, je suis ouvrier de la construction, donc s'il fait son travail, qu'on arrête de m'ennuyer, moi, par exemple, de dire qu'il ne faut pas que je réveille les gens tôt avec mon marteau pique et tout ça, parce que j'ai un métier pénible, il fait chaud, donc j'ai le droit d'emmerder les gens, parce que mon métier est dur, alors. Alors, il faut un peu réfléchir, la tête, elle ne sert pas qu'à se coiffer, elle sert à réfléchir quand même. Est-ce que vous comprenez, Xavier, que, hypothèse, cet agriculteur, samedi à Wans, qui n'a répondu à personne, qui a fait la sourde oreille, est-ce qu'il est possible qu'il ait eu peur de cette foule, 300 personnes, qui avait l'air un peu hostile, alors que lui fait simplement son petit travail? Est-ce qu'il non, est possible moi, que c'était même peur? J'ai l'impression que le monde des fermiers, c'est à peu près pareil. Vous pouvez faire ce que vous voulez, quand même, c'est les gens qui ont décidé, comme c'est comme ça, et c'est pas qu'il y a une foule hostile, c'est qu'en vérité, il n'en a rien à foutre, point barre. C'est ça ma réaction par rapport à cet énergumène. Moi, j'aurais eu mon enfant là, je vous dis que j'aurais pas été fort content et que j'aurais été le premier à monter dans la cabine du tracteur. Ça, c'est sûr et certain. Xavier, vous confirmez cette phrase? Vous m'avez dit les agriculteurs, ils sont vite pour pleurer. Bien sûr. C'est une confirmation. Alors, vous êtes à Fléron ce matin et vous-même victime de cet agriculteur qui disperse son purin, 35 degrés, chaleur et les mouches. Jumet, dans c'est vous qui le dites. Corinne, bonjour. Corinne, bonjour. Oui, bonjour. Votre fille a quel âge? 13 ans. Toute la Flandre se demande ce qu'est une jupe trop courte. Une école de Zdenzolder a renvoyé 50 jeunes filles qui ne respectaient pas le règlement. C'est quoi, Corinne, une jupe trop courte? Écoutez, une jupe courte, pour moi, c'est à mi-cuisse, surtout pour le collège. Pour la ville, en dehors des cours, il n'y a pas de souci. Mais pour le collège, moi, j'impose à ma fille de mettre un short en dessous d'une robe, comme par exemple ce matin. Elle avait une robe sans manches. La robe est au-dessus du genou, mais je lui ai fait mettre un short au lieu de mettre un sous-vêtement classique féminin. Attendez, je ne comprends pas. La robe, elle arrive jusqu'où? Elle arrive pile au-dessus du genou ou elle est à mi-cuisse? Je vais dire 5 cm au-dessus du genou, mais pas à mi-cuisse. Eh ben alors, d'après votre version, c'est long ça, puisque pour vous, une courte, c'est mi-cuisse. Mais disons qu'une jupe en général est au-dessus du genou parce que c'est comme ça depuis maintenant 40 ans, j'en porte également. Mais disons qu'au collège, les jeunes filles de cet âge, jusqu'à 16 ans, parfois n'ont pas la manière de s'asseoir. On s'assied dans la pelouse, elle est au collège Saint-Michel, ils sont tous dans l'air parce qu'ils ont chaud. Et je trouve qu'au moins, elle est en robe, elle peut s'asseoir comme elle veut, elle est en short en dessous, un short de sport. Et c'est très bien. Avec une robe. Avec une jupe mi-cuisse, on voit clairement les sous-vêtements. Oh, pour moi, oui. Pour oui, vous, c'est un oui. Leurs jambes, elles n'ont pas, elles sont insouciantes. Elles n'imaginent pas à cet âge-là, on voit tout, on s'assied presque comme des garçons et elles ne sont pas du tout à l'aise et parfois ne se rendent pas compte qu'elles peuvent montrer leur entrejambe. Oui. D'autres ont dit, la trop courte, c'est à ras des fesses. Vous, c'est à mi-cuisse. Peut-être à tout à l'heure pour la suite, Corinne. Viva Bruxelles est là de présente Bruxelles Champêtre. Participez à la plus grande fête urbaine et citoyenne le dimanche 18 septembre. Dans le Parc Royal, rencontrez plus de 100 producteurs locaux et petits brasseurs. Laissez-vous tenter par des animations des plus insolites. Vous n'aurez pas assez d'une journée pour tout découvrir. Info sur bruxelleschampêtre.be avec le soutien de la région de Bruxelles Capitale. Découvrez la nouvelle offre spectaculaire de BTV. Pour un prix spectaculaire, film inédit. C'est quoi ça? C'est mon texte. Ça, c'est Franck, votre doublure. Franck, votre doublure. Ma quoi? Votre doublure. Dans les films spectaculaires, on travaille avec des doublures, vous comprenez? Non, pas vraiment. Non, pas vraiment. C'est quand même plus spectaculaire comme ça, non? Abonnez-vous à la nouvelle offre spectaculaire de BTV. Des milliers de films et séries inédits pour seulement 24,99€ par mois sans engagement. Appelez le 0800 825 ou surfez sur btv.be. BTV, déchaînez-vous. Ben oui, déchaînez-vous. Vivacité présente les Showcase Joker Plus du beau vélo de Ravel. Yo les Ravelistes, c'est les retardataires, aïe aïe aïe. Nous vous donnons rendez-vous ce dimanche 18 septembre au pied de l'Atomium pour faire la fête tous ensemble. Et on va partager la scène du beau vélo de Ravel avec les Magic System et Willy William. Et à très vite. Yeah. Le Showcase Joker Plus du beau vélo de Ravel, ce dimanche 18 septembre à Bruxelles. Un événement gratuit et accessible à tous. Joker Plus, chaque jour est un jour de chance. Vous souhaitez gagner une nouvelle plaine de jeux pour votre commune? Rapportez toutes vos piles usagées dans un point de collecte Bébat de votre commune entre le 1er et le 30 septembre. Si votre commune collecte le plus de kilos par habitant, cette nouvelle plaine de jeux Bébat sera pour vous. Pour plus d'infos, regardez vite sur bébat.be. Bébat, recycler ensemble, c'est mieux pour la nature. Viva, 10h. Le flash, Yasmina Favaro, bonjour. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Chaleur, soleil et record au programme aujourd'hui. On va dépasser les 30 degrés. C'est le 13 septembre le plus chaud depuis 69 ans. Les températures vont battre le record détenu jusque-là. Un record qui sera certainement aussi battu demain. D'ailleurs, le plan forte chaleur est enclenché pour ces deux jours, mais les pics d'ozone ne devraient pas être dépassés cette fois-ci. Pensez tout de même à bien vous hydrater et à éviter de vous exposer au soleil. Vous l'avez peut-être vécu ce matin. Vous êtes arrivé en retard au boulot à cause des embouteillages ou à cause d'un transport en commun qui s'est fait attendre. Les trajets domicile-travail peuvent être imprévisibles et ça ronge les travailleurs. Un conducteur sur trois est stressé à cause de ces trajets, contre un navetteur sur quatre. Les chiffres d'une enquête du bureau d'études Securex, une anxiété qui rend ces travailleurs plus sensibles au burn-out. José Appart, de retour devant la justice, l'ancien président de l'aéroport de Liège et le directeur général sont convoqués en correctionnel aujourd'hui. Les deux hommes doivent répondre de diverses malversations, détournement d'argent public, abus de biens sociaux et trafic d'influence. Les demandeurs d'asile sont moins nombreux depuis la fermeture de la route des Balkans. Conséquence chez nous, la Croix-Rouge va fermer 10 centres d'accueil provisoires pour réfugiés, 9 en Flandre et 1 en Wallonie. En Wallonie, c'est celui de Jalet, en province de Liège. Les 300 travailleurs de ces centres vont donc perdre leur emploi. En Syrie, les armes se taisent. Le cessez-le-feu est entré en vigueur hier soir et il est globalement respecté jusqu'ici. Une trêve négociée par Moscou et Washington. Le régime syrien gèle donc ses opérations militaires pour 7 jours. Et pour John Kerry, le secrétaire d'État américain, c'est sans doute la dernière chance de sauver la Syrie. Du tennis à Rio aujourd'hui, à 17h, notre compatriote Joachim Gérard disputera en fauteuil son quart de finale aux Jeux paralympiques. Face à lui, un sacré adversaire, le double champion paralympique japonais, Shingo Kunedia. La météo, eh bien, pour aujourd'hui, donc un temps exceptionnel, un temps ensoleillé avec un léger risque d'orage en soirée. Pour les températures, elles seront comprises entre 28 et 31 degrés. Le point RTBF Mobile Info, il y a un accident sur l'E42 Namur-Liège, Stéphane Piedboeuf. Effectivement, c'est une voiture qui est sur le toit, Yasmina, à hauteur de Pontillas. La bande du milieu est toujours neutralisée. Il y a 4 km de fil. Et si vous devez passer par là, vous allez perdre 25 minutes en direction de la Cité Ardente. Toujours en province de Liège, eh bien, ces chantiers qui vous ralentissent. Le premier, c'est celui qui est situé sur l'E25 Bastogne-Liège entre Beaufay et Tilf. 6 km de fil, 20 minutes supplémentaires en direction de Liège. Heureusement, ce chantier sera terminé jeudi après-midi. Par contre, le chantier de longue durée de Cherat, lui, est toujours bien présent sur le 40X La Chapelle-Bruxelles. Vous ralentissez en direction de Bruxelles sur 6 km, 15 minutes supplémentaires à votre temps de parcours. Dans l'autre sens, vers l'Allemagne, c'est 5 minutes en plus qu'il faut compter. Sur le ring de la capitale, ça va beaucoup mieux. Moins de 10 minutes en circulation intérieure entre Grand-Billard et Zaventem. Une dizaine de minutes supplémentaires également entre Ittre et le carrefour Léonard. Pour atteindre Bruxelles, sur le 40 qui vient de Liège ainsi que sur le 411 qui vient de Namur, vous perdez à présent moins de 10 minutes. Par contre, si vous quittez Bruxelles, un accident nous a été signalé sur l'A12 envers Bruxelles pour rejoindre Bruxelles, donc à hauteur de Landerzee, la bande de gauche est neutralisée en direction de la capitale et puis toujours les ralentissements habituels dans les tunnels bruxellois. Blavier, mon partenaire pour construire ma maison. Maison Blavier. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Et le débat, c'est jusqu'à 11h sur Vivacité, sur la Une Télé. Et pour le mener, c'est toujours Benjamin Maréchal. Eh bien, voyons ce qu'on fait alors dans la deuxième partie. Merci Yasmina. Chaque matin, Benjamin Maréchal vous donne la parole. C'est vous qui le dites. À 10h45, rendez-vous avec la question qui dérange. Bruxelles, hier, a complètement raté la fête du sacrifice. C'est un plantage total sur le site unique d'abattage qui avait été mis en place par la région. Hier, à 21h, certains musulmans n'avaient toujours pas reçu leur mouton alors qu'ils attendaient depuis 14h. La question qui dérange est franche dans ce dossier. Qui a foiré? Je vous rappelle que 655 musulmans seulement, hein, 655 musulmans s'étaient donc inscrits pour profiter de ce nouveau système à Bruxelles. Un site unique d'abattage. Les musulmans devaient récupérer leur viande dans leur commune, à Scarbeck, à Molenbeek, à Anderlecht et à Bruxelles-Ville. Dans les points de réception, c'est peu de le dire, les musulmans qui étaient présents hier ont attendu, attendu, attendu. Il n'y aura pas de livraison avant 20h, 20h30. Cependant, il y en a qui auront demain matin. Mais on ne sait pas me dire et on ne sait pas vous dire si ça va être... Donc on le sera 20h, 20h30. Donc hier sur site, c'est un extrait du JT, des gens qui sont là qui attendent, on ne peut pas leur donner d'informations et on leur dit « Votre mouton de la fête du sacrifice, bah vous l'aurez peut-être demain. Qui a foiré ?» Dans ce dossier, Mélanie Joris, vous cherchez le bon interlocuteur. Avez-vous une piste? Oui, plusieurs pistes. On va tenter de joindre le prestataire de service responsable de cet énorme retard, ITC. J'irai voir aussi du côté de la région bruxelloise et du côté de l'exécutif des musulmans de Belgique. Ce sont ces deux institutions qui ont organisé cette journée collectivement. Ah, suspicion, comme il y a gros ratage, on n'est pas sûr d'avoir quelqu'un tout à l'heure, car c'est un gros ratage. Vous avez un éclairage dans ce dossier, laissez-le à Zoé au standard. Et le problème d'Amina d'Anderlecht, c'est qu'elle n'a jamais eu son mouton. Elle s'est inscrite au mois d'août et a payé son mouton 240 euros. Hier soir, personne ne savait où était passée sa bête. Ses enfants ont pleuré, ils n'ont pas pu faire l'Aïd. Sa famille a été jetée comme une poubelle, nous a confié Amina. Bruxelles a complètement raté la fête du sacrifice hier. Plantage sur le site unique d'abattage mis en place par la région. Certains hier à 21h n'avaient pas reçu leur mouton et ce matin non plus. Donc, qui a foiré? Rendez-vous à 10h45. À 9h, il y avait 3 débats sur la table. D'abord samedi, à un agriculteur de Wans qui a pulvérisé son pesticide pendant une heure juste à côté du terrain de foot où jouent les jeunes. Cet homme est-il un inconscient ou il a juste fait son job? Le gouvernement doit-il accepter la prépension à 50 ans pour les employés de Caterpillar? Pour l'instant, le gouvernement refuse. Vous dites oui ou vous dites que c'est trop jeune. Et puis toute la Flandre se demande ce qu'est une jupe trop courte. Une école d'Eusdenzolder vient de renvoyer 50 jeunes filles qui ne respectaient pas le règlement. C'est quoi une jupe trop courte? Zoé Boss, 3 débats au 070-233-466. Et vous avez choisi d'aller plus loin dans le débat sur cet agriculteur à Wans qui a pulvérisé son pesticide pendant une heure juste à côté du terrain de foot où jouent les jeunes. Cet homme est-il inconscient ou il a juste fait son job? C'est la question qu'on vous pose ce matin dans C'est vous qui le dites. C'est donc un papa inquiet qui a lancé l'alerte samedi matin. Près de 300 personnes se trouvent sur et autour du terrain de l'entente sportive Wans-Bazoa à Anté, qui est sur la commune de Wans. Et bien c'est à ce moment-là qu'un agriculteur commence à pulvériser son champ. Plus d'une heure de pesticides, le papa a filmé les images

ont pris un risque samedi. Ils sont en train de jouer, respirent en plein effort physique et ils se prennent avec le vent tout le pesticide. Est-ce qu'ils ont pris un risque ? Non. Non ? Non. Non. Pesticide, c'est pas un peu chimique. Si je comprends le raisonnement du monsieur, hein, donc tous les terrains de foot qui se trouvent aux abords des autoroutes, ben faut arrêter. Mais là, il dit pas il y a un peu de pollution vague. Il dit, je vois cette citerne qui met le pesticide et ça me revient dans le visage. Oui, il en est mort. La peau a fondu. Il n'y a peut-être pas assez de recul. Il voulait juste demander à l'agriculteur ce qu'il y avait dans le produit. Et l'agriculteur, il ne répond pas. Pourquoi ? Comme le monsieur de Fléron, je ne sais pas quoi. Hein. À part se faire agresser, les agriculteurs, hein, c'est tout ce qu'ils font. Mais par contre, ce qu'on a dans notre assiette, c'est grâce à qui ? C'est comment aux agriculteurs. Hein. Oui, il faut se le mettre en question. Michel, si c'est aussi simple que ça, pourquoi l'agriculteur ne prend pas la peine d'expliquer à ces 300 personnes qu'il n'y a aucun danger ? Il a un truc à cacher. Il n'a rien à cacher du tout. Alors rien, pourquoi il ne dit tout. Pas ? Parce que c'est... Alors il doit s'arrêter tout le temps. Les agriculteurs sont constamment ennuyés. Constamment. Et si c'est si dangereux que ça, on n'en gagnerait plus. On mange du pesticide, on mange de l'herbicide, on mange du conservateur. C'est ce que j'ai dit à madame. Je suis curieux de savoir le nombre d'enfants qui mangent encore des légumes, par exemple des haricots princesses, qui ne sont pas dans des boîtes. Michel, j'entends votre portrait et l'amour que vous avez pour les agriculteurs de ce pays, mais voilà un papa qui dit au nom de ses enfants, « Monsieur, pouvez-vous me dire si ce que je respire est toxique ?» L'agriculteur dit « Oui, non, on en reste là. » C'est pas ce qui s'est passé. Ouais. Donc, on permet alors à les enfants de se teindre les cheveux avec du corrosif, parce que c'est du corrosif, hein, on ouvre la boîte, qu'on lit le détail. Moi, j'ai amené ce produit-là pour les firmes, pour les teintures des cheveux. C'est corrosif à crever. On l'en met sur la tête des enfants. Ça, c'est normal. Ça, on peut. C'est pas dangereux. Vous croyez que c'était bio, ce qu'il était en train de déverser et de pulvériser sur le champ ? Vous croyez que c'était bio ? Qu'est-ce qui est encore bio ? Donc, c'était pas bio. Si c'est pas bio, c'est chimique. Et alors, c'est dangereux ? Je vous pose la question. Apparemment non, puisqu'on n'en est pas mort. Mais alors, pourquoi ce papa se plaint ? Parce qu'il aime bien se plaindre. Se plaindre. À part se plaindre, c'est tout ce qu'on fait ici. Et on n'a pas le droit d'être inquiet quand pendant toute une journée, on a des enfants sur un terrain qui se prennent une heure de pesticides. Ça fait combien de temps que le fermier travaille ? Ah, il n'y a pas eu de contact. D'après ce qu'on connaît de l'histoire ce matin, le fermier a continué son œuvre sans vouloir ni s'arrêter ni s'expliquer. Je dois vous dire qu'en ce moment, nous sommes en train de faire ce travail de recherche en espérant pouvoir parler au papa tout à l'heure et peut-être à l'agriculteur. Mélanie est en train de faire ce travail de recherche comme chaque jour en temps réel. Allons à Warem maintenant. Merci Michel et à Spa. C'est vous qui le dites, Warem. Erwan, bonjour. Oui, bonjour Benjamin. Quelle était la profession de votre papa ? Mon père, il était fermier. Voilà. Je vous demande, Erwan, si l'agriculteur de Wanze savait ce qu'il était en train de pulvériser ou il ne connaissait pas la composition de ce qu'il pulvérisait. De manière évidente, hein, Benjamin, mais vraiment de manière évidente. Maintenant, son travail, c'est sûr qu'il doit le faire, mais bon, c'était vraiment pas le jour approprié. Erwan, il savait ce qu'il y avait dans la citerne ou il ne savait pas ? Mais ça va de soi, Benjamin. Il sait. Tout ce qu'on met sur les terres, c'est chimique, c'est nocif. Il suffit de consulter la liste, il suffit de consulter les procès. Même il y a des procès en cours, il y a des procès qui ont fait jurisprudence. Il y a des lois qui changent tous les jours au niveau de la communauté européenne. Il y a des groupes comme Monsanto, comme Bayer, qui sont en procès un peu partout. Ok, donc première étape, chez nous. L'agriculteur sait. Deuxième étape. Est-ce qu'il a fait ça samedi ? Est-ce qu'il y avait une alternative ou quand on est agriculteur, quand c'est le moment de pulvériser ? C'est le moment de pulvériser. Mais non, il y avait certainement une alternative, mais bon, voilà, il n'y a pas de législation bien spécifique sur ça. Il y a une désinvolture des pouvoirs publics parce que, bon, les agriculteurs, ils ont des lobbies, ils sont suivis par la grande consommation, il y a les produits pharmaceutiques, il y a les lobbies. C'est pas le pouvoir politique qui a pulvérisé, c'est l'agriculteur qui décide de le faire là. Le, C'est sûr, mais si vous empêchiez les fermiers de travailler quand il fait bon, les fermiers, il n'y a pas d'autre solution. Ils dépendent aussi du temps, des intempéries, c'est très important pour eux. Il fait bon, on moissonne, on récolte le blé, on récolte mais le foin. Mais qu'est-ce qui compte avant tout, les intempéries ou la santé de 300 personnes, dont des jeunes gens qui jouent au foot? Qu'est-ce qui est prioritaire? C'est indéniable que c'est la santé des enfants, puisque c'est nocif, c'est toxique, c'est vraiment même dangereux. Les gens qui ont réellement des problèmes d'ordre respiratoire, d'autant plus que les enfants, là, ils sont en plein effort, les poumons sont ouverts, ils sont en la consommation d'oxygène, ils sont vraiment en plein effort. Vous respirez ça toute la journée. Moi, je suis vraiment sidéré. Certains de vos auditeurs qui prennent ça avec une désinvolture totale, comme si ils respiraient du caca ou du purin. Cet agriculteur, parce que vous m'avez dit c'est dangereux. Vous m'avez dit c'est dangereux, problème respiratoire. Donc cet agriculteur, c'est un homme inconscient ou il a juste fait son job? Mais il n'est pas du tout inconscient, il a fait son job. Il a fait passer son job avant le civisme. Il n'est pas inconscient, c'est pas un imbécile, hein. C'est sûr qu'il sait ce qu'il fait. Attendez, parce que ce sont des éléments très importants que vous donnez à Erwan, son job avant le civisme, et vous avez la certitude qu'il sait ce qu'il y a dans la citerne. Parce que quand le papa, dans ce dossier, demande, l'agriculteur répond pas. On avait un doute. Est-ce qu'il sait ou il sait pas? Eh ben, il sait, me dites-vous. Erwan, merci pour l'expertise liée au passé agricole de votre papa. On va maintenant demander un avis à Brenne Lalleux. Jean-Pierre, bonjour. Oui, bonjour. Que penser d'un agriculteur qui fait passer son job et les intempéries avant le civisme et avant la santé des enfants? Que penser d'un homme comme ça? Ben écoutez, d'abord, Benjamin, la question qu'on n'a pas posée dans votre débat, qui est très important et très intéressant, est celle-ci. Est-ce que ce match de football était programmé? Est-ce que toutes les semaines, le samedi, il y a un match de football sur ce terrain? Ou bien c'était un match de football imprévu? Si c'était un match de football imprévu, l'agriculteur qui fait son boulot le samedi matin, il ne savait pas prévoir qu'il y avait un match. Donc la question la plus importante, est-ce que tous les samedis, il y a un match là, oui ou non? Jean-Pierre, je n'ai pas la réponse officielle, je m'avance avec des hypothèses. Partons du principe que sur un terrain de ce type-là, l'activité est fréquente et hebdomadaire. Mais imaginons que ça n'ait pas été prévu et que c'était un match one shot. L'agriculteur voyant ça, peut pas s'arrêter? Il doit faire son travail, c'est une chose. C'est 90 minutes un match, hein? Oui, je sais bien, mes fils, ils jouent au football. Donc, quand il y a une réclamation des parents, bon, la moindre chose, c'est d'arrêter son tracteur, d'avoir une discussion et de dire, oui, mais est-ce que c'est tous les samedis ici? Peut-être qu'à ce moment-là, je pourrais changer mon programme, ou c'est un match qui vient à l'improviste. J'entends la discussion sur la programmation du pesticide. Mais là, on est sur le moment. Le pesticide est en cours. Est-ce que ce monsieur doit, un, s'arrêter, deux, s'excuser? S'il a un peu de compréhension et qu'il est bien élevé, il va s'excuser en expliquant que la prochaine fois, ça n'arrivera plus et qu'effectivement, il devrait connaître les horaires pour changer le sien. Mais quand il est occupé sur son champ, il ne peut pas tout arrêter. Il doit continuer ce jour-là. Il y a 300 personnes qui demandent. Et ici, il ne s'est pas arrêté. Donc, il n'est pas bien élevé, cet agriculteur. Non, monsieur Benjamin, il y a 300 personnes qui demandent. Il y en a 5-6 qui veulent faire de l'excès de zèle, qui veulent montrer qu'ils sont plus forts que d'autres et qui ennuient les gens. Mais pas rien que pour ça. Non, ce sont des grosses têtes qui veulent se faire remarquer. Mais pour en revenir à l'agriculteur, il y a toujours moyen de s'arranger, de demander à ces gens-là qui sont au courant si c'est tous les samedis à la même heure, et à ce moment-là, faire comme des grandes personnes, s'arranger pour qu'il puisse faire son travail. J'entends bien, mais c'est pas ça qui est arrivé ici, et je retiens que vous me dites du papa que c'est une grosse tête qui a voulu se faire remarquer. On lui soumettra ça si on arrive à lui parler tout à l'heure. Vous êtes une grosse tête, monsieur. Cet homme, agriculteur, faisait son travail. Bon, on vous laisse à la route, à Braine-l'Alleud, Jean-Pierre, pour aller dans un instant à Franles-Léonvin. Le mari de Lorraine est agriculteur. Eh bien, nous aurons peut-être la certitude dans un instant qu'à Wans, il y avait un homme qui bosse ou un inconscient. Bienvenue au driving de Renault Motors. Et pour monsieur, ce sera? Oui, je voudrais la chicken nouvelle Renault Clio, s'il vous plaît. Et comme boisson? Une grande garantie, arrosée d'une assistance. Un dessert? Un bouquet d'entretien et durant 5 ans, s'il vous plaît. Dans un compte? À partir partir de 139 euros par mois. Ah, mais c'est parfait, ça. Bien, monsieur. Vous pouvez avancer vers votre concession Renault Motors, c'est la plus proche. Partout dans le Brabant Wallon. L'Union Saint-Gilloise joue cette semaine au Stade Roi-Baudouin une rencontre de Proximus League. Fidèles supporters, sympathisants ou tout simplement amateurs de football, n'hésitez pas à venir encourager les unionistes pour ce match capital. Toutes les infos sur www.rusg.be avec le soutien de Viva Bruxelles. Nous vérifions nos mails, nous vérifions les résultats du foot, nous vérifions les horaires du bus, si le chauffage est éteint, si le chat a été nourri. Nous vérifions la date de consommation du yaourt, nous vérifions les ingrédients du pain, nous vérifions les ingrédients. Nous vérifions tout. Et nos fenêtres. Avec le coffret bilan fenêtre Finstral, vérifiez maintenant si elles sont encore étanches, sûres et belles. Demandez-le gratuitement sur finstral.com. Vous allez jeter un fameux coup d'œil dans le rétroviseur ces 17 et 18 septembre à Francorchamps. Les Spa 6 Hours vous proposent de remonter le temps pour vivre les plus belles courses de voitures anciennes, dont les F1 des années 60 et 70 et les fameux 6 heures historiques. Programme complet sur spa6hours.com. Retrouvez les observations et les prévisions météo sur rtbf.be. Nous prévoyons des visages rayonnants. Fédéral Assurance, l'assureur qui partage ses bénéfices avec vous. Et au 070-233-466, Zoé, une charge contre les agriculteurs, qui seraient donc des travailleurs et des hommes sans gêne. Oui, Arthur Deberlo me l'a dit, il ne supporte pas les agriculteurs égoïstes. Son épouse qui a des difficultés respiratoires s'est trouvée mal parce que l'agriculteur d'à côté a balancé ses pesticides. Arthur a dû appeler le médecin, son épouse et lui en sont réduits à porter des masques d'hôpitaux chez eux et l'agriculteur ne veut rien entendre. Il y a aussi Michel Dérezé, son petit Nathan joué samedi matin à Wanze. C'est grave, le gars aurait dû pulvériser à un autre moment, m'a-t-il dit, même si son fils était 2-3 terrains plus loin, ça l'interpelle, il n'est pas chimiste, mais il se demande quel risque a couru son enfant de 10 ans. Et puis un mot aussi sur les pesticides et la composition chimique. Alors soit la charge va vers l'agriculteur, soit la charge va vers ceux et celles qui ont fabriqué ce genre de produits. Et Renault de Mons remet la charge sur les concepteurs de ces produits chimiques. Ce sont les chimistes les véritables coupables. Les personnes qui ont conçu ces pesticides, arrêtons de blâmer ce pauvre agriculteur qui ne fait que son travail. Et mettons en vente des pesticides qui n'impactent pas la santé des gens. Fran Léonvin est en ligne. Lorraine, bonjour. Oui, bonjour. Votre mari est agriculteur. Il est dans quel secteur? Ce sont des bêtes, ce sont des champs. Il fait quoi, votre mari? Que des champs. Donc, il ne travaille que la terre. Donc, il pulvérise effectivement énormément. Qu'est-ce qu'on a bien pu pulvériser sur un champ un samedi à 11 à côté d'un terrain de foot? Ça peut être uniquement un truc chimique ou ça peut être autre chose? Non, ce sera très certainement chimique ou de l'engrais liquide. Mais une chose qu'il faut quand même signaler, c'est que si on pulvérise pas, il n'y a pas de nourriture. Et s'il n'y a pas de nourriture, les gens n'ont pas à manger. Donc voilà, moi je pars simplement du principe que la critique est très très très très facile. Et que, étant femme d'agriculteur, je vous assure que je préfère avoir un mari qui fait du 8-5 tous les jours, qui soit à la maison tous les jours. Lorraine, rapprochez-vous du téléphone parce que je vous entends au loin. Rapprochez-vous du téléphone, coupez le haut-parleur si nécessaire et revenez vers mon oreille. Lorraine, il fallait vraiment faire ça un samedi matin, décalé de 2 heures, de 3 heures. C'était un sacrilège, on allait faire brûler le champ si on décalait? Ça dépend. Il y a des pulvérisations, ça dépend du temps. S'il fait trop chaud, s'il y a trop de vent, s'il y a trop d'humidité, s'il y a trop de rosée. Parfois, mon mari part pulvériser à 7 heures au soir. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il a fait trop chaud toute la journée. Parfois, il commence à pulvériser à 4 heures du matin. Pourquoi? Parce qu'il va faire trop chaud la journée. Pourquoi il commence aussi à pulvériser parfois à 8 heures au soir? Parce qu'il y a du vent et que le vent tombe à 8 heures au soir et qu'il faut aller pulvériser. Donc justement, pour ne pas impacter les jardins, les personnes... Mais ici, il y a des petits garçons qui jouent au foot, qui ont les poumons ouverts. Il y a des familles. Et il y en a qui s'inquiètent et qui disent « Avec le vent, je reçois le pesticide ». Ça, ce n'est pas une alerte? Ça ne demande pas un petit aménagement? Mais si c'était vraiment si dangereux, il y aurait eu des normes et des réglementations encore plus strictes, qui sont déjà très très strictes. C'est déjà très strict, mais alors on interdirait de pulvériser autour de tous les terrains de foot. Je pense que s'il y avait vraiment eu un danger, on aurait déjà été alerté et on aurait eu des courriers des organismes, de certains organismes. Donc, je note ça, si danger, règle. Mais ici, il y a nuisance. Il y a une demande, non pas dans le fond d'arrêt, il y a une demande d'explication. Monsieur l'agriculteur, sortez de votre cabine et dites-moi ce qui se passe. Et après, je retourne à mon match de foot. L'agriculteur, il ne veut pas le contact. J'admets que mon mari, par exemple, a déjà eu le cas, mais parce qu'il faisait du bruit la nuit et qu'il n'avait pas le choix de labourer la nuit, quelqu'un est venu, a rouspété, et mon mari est simplement descendu du tracteur et lui a expliqué tout simplement, écoutez, je suis obligée de travailler parce qu'il gèle, parce que parfois il faut attendre qu'il gèle en hiver pour pouvoir labourer, parce que la terre est dure et que sinon la journée la terre est molle et on ne sait pas la labourer. Pourquoi votre mari explique et qu'un autre explique pas? Devant 300 personnes, l'agriculteur il dit zut, ça m'est égal, moi je continue mon truc. Ça n'est pas top, honnêtement c'est pas top. Mon mari lui serait descendu, aurait tenté d'expliquer, mais soyons aussi très très honnêtes, vous allez avoir une partie des personnes qui vont comprendre l'agriculteur et une autre partie qui est égoïste, qui vient vivre à la campagne pour avoir justement le bon air et qui rouspète parce que le fermier épand du fumier, que ça sent pas bon, parce que le fermier travaille la nuit, ça fait du bruit, alors qu'il reste en ville. Ah ben sauf que là, c'était pas dans une propriété privée, hein, c'était au terrain de foot et le club est installé depuis quelques jours déjà. C'est une manière de dire que le club n'était pas nouveau. Hein. L'entente sportive Wans-Bazoa a hanté sur la commune de Wans. Votre mari Lorraine serait venu, ben pas de bol. À Wans, l'agriculteur là est pas venu. Coutouin nous appelle. Bernard, bonjour. Oui, bonjour, Benjamin. Vous avez déjà été dérangé, vous, par un agriculteur qui fait son petit business? Ah ben écoutez, nous autres, nous avons acheté une maison à Coutoin il n'y a pas tellement longtemps, et notre jardin jouxte une très grande propriété où on a planté cette année-ci des pommes de terre, et je peux vous dire que c'est tous les jours qu'on pulvérise. Et alors, ça sent excessivement mauvais, et j'ai même constaté un jour que des petits arbustes que j'avais plantés, eh bien les feuilles des arbustes étaient toutes cramoisies, avaient des berries, quoi, si vous voulez. Donc ceux qui mettent, ce n'est sûrement pas très bon. Donc si l'arbuste est devenu cramoisi, les enfants étaient en danger alors à Wans? Ah bien entendu, enfin, oui. Moi c'est ce que je crois en tout cas. Mais si, d'ailleurs je demande à mes enfants, quand c'est comme ça, je demande à mes enfants de rentrer. Mais bon, quand on pulvérise tous les jours et ils ont des machines énormes avec des bras qui se déplacent, ils pulvérisent sur 50 mètres. Et c'est tellement puissant que c'est un formidable nuage, quoi. Alors il fallait arrêter le match de foot ou il fallait arrêter l'agriculteur? Ah ben écoutez, pour concernant le match de football... je crois que un peu de bon sens, un peu de sens civique aurait fait que l'agriculteur aurait pu s'arrêter, oui. Et pourquoi il ne s'arrête pas alors? Parce que moi, on me dit, vous savez, ces gens-là, ils fonctionnent à l'intempérie. Puis il y a des règles aussi pour les pesticides, on ne peut pas y aller quand on veut. Donc est-ce qu'on peut se réfugier derrière ces besoins et cette technicité de l'agriculture? Je ne le crois pas, parce que c'est tout le temps une escalade alors... n'est-ce pas? Et alors, après ça, ce sera autre chose. Je crois qu'un peu de bon sens et je crois qu'un petit peu de bio dans l'agriculture ne ferait pas du tort. Ah, ils ne sont pas tous bio. Il y en a qui continuent encore avec les méthodes traditionnelles. On m'a dit que le papa qui s'était plaint, c'était une grosse tête, un homme qui voulait se faire remarquer. Si ça avait été votre fils sur le terrain de foot, vous dites rien ou vous dites? Ah, écoutez, si mon fils avait été sur le terrain de foot et voyant qu'il n'y avait pas d'aboutissement, je vais dire, à l'amiable, j'aurais demandé à mon fils de quitter le terrain. De quitter le terrain, alors que c'est le match hebdomadaire. Et on sait pour les enfants ô combien ce match est important, évidemment. Bernard Coutoin, avec le pesticide, votre arbuste devenu cramoisi. 10h31, c'est l'heure de la proportion maintenant. Zoé dans les Appelantes ce matin, combien estime qu'il aurait fallu arrêter le match de foot? 80% pensent que les arbitres ou les parents auraient dû interrompre le match lorsqu'ils ont vu l'agriculteur répandre ses pesticides, s'ils trouvaient que c'était si dangereux que ça pour leurs petits, s'ils avaient peur pour leurs poumons, il fallait dire stop plutôt que de filmer le tracteur. RTBF Mobile Info, Stéphane. Et c'est fini pour la voiture sur le toit, sur le 42 Namur-Liège. La voie est à présent libre, mais il y a encore quelques fils à hauteur de Pontillas. 4 km de ralentissement, une dizaine de minutes supplémentaires si vous devez passer par là tout de suite en direction de Liège. Mais normalement, la situation devrait très vite se rétablir. Toujours en province de Liège, le chantier sur le 25 Bastogne-Liège vous ralentit entre Beaufeuil et Tilf. Toujours une dizaine de minutes supplémentaires en direction de la cité ardente. Ça se passe mieux du côté de Cherat sur le 40 et Clachapelle-Bruxelles. Vous perdez maintenant moins de 5 minutes. Léger ralentissement ralentissement à l'approche du carrefour Léonard sur le 411 en venant de Namur, mais vous ne perdez pratiquement plus de temps. Et sur le ring de la capitale, vous perdez moins de 10 minutes entre Grand Bigard et Jette vers Zaventem en circulation intérieure, ainsi qu'en circulation extérieure entre Strombeek et Wemmel en direction de Grand Bigard. Et puis si vous quittez Bruxelles, vous allez perdre 5 minutes parce qu'un accident s'est produit sur l'A12 envers Bruxelles, à hauteur de l'Onderzeel. La bande de gauche est toujours neutralisée. Blavier, mon partenaire pour construire ma maison. Maison Blavier. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Et dans un instant, j'attends un nom dans la question qui dérange. Bruxelles a complètement raté la fête du sacrifice hier. Plantage sur le site unique d'abattage mis en place par la région. Hier soir à 21h, certains musulmans n'avaient pas reçu leur mouton. Ce matin, certains ne l'auraient toujours pas reçu. Qui a foiré? J'attends un nom après la pause. Chérie, combien de temps avant 22h? 8 secondes, t'es prête? Ça fait une heure que je suis prête. 5, 4, tu peux le faire, 3, tu peux le faire. 2, 1, et c'est parti! Ouf, nickel. Patrick, t'as bien mis le programme délicat? Je sais plus. Arrête-moi ça! Arrête-moi ça! N'attendez plus que la nuit tombe. Profitez du tarif de nuit aussi pendant la journée. Devenez client chez Essent.be et recevez jusqu'à 3 ans le prix de l'énergie de votre facture d'électricité au tarif de nuit. Infos et conditions au 0800 32 032. Essent.be. Notre énergie, une source de plaisir. À la maison, profitez plus ensemble. Regarde mon cœur, la robe de cette actrice. Elle m'irait bien, non? Je like. Oui, et les chaussures, elle est top cette paire, non? Je like. Et le sac à main assorti, je le prends? Je like. Mon cœur, c'est toi que je like. Pendant qu'elle regarde son film à la TV, il surfe sur Facebook grâce à l'internet ultra rapide et la télévision digitale d'Orange. Vous aussi, profitez plus et payez moins. À partir de 39 euros par mois, vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Conditions sur orange.be. Viva Bruxelles présente les 800 ans de Saint-Gilles. Vivez la fête d'ouverture au parvis de Saint-Gilles en famille ou entre amis. Animation pour enfants, théâtre de rue, cours de danse, live painting et concert exceptionnel de The Plains. Le samedi 17 septembre, dès 16h, info stj800.be. Un événement organisé par la commune de Saint-Gilles et les rencontres saint-gilloises. C'est vous qui le dites, la question qui dérange. Hier, c'était donc la fête de l'Aïd, la fête du sacrifice du mouton. On en parlait hier dans C'est vous qui le dites. Eh bien, un jour après, on découvre que Bruxelles a complètement raté la fête du sacrifice, plantage total sur le site unique d'abattage mis en place par la région. C'était le nouveau système, un site unique d'abattage. Et puis les musulmans allaient dans leur commune, à des points de collecte, récupérer leurs bêtes. Il y avait des points de récupération à Schaarbeek, à Molenbeek, à Anderlecht ou encore à Bruxelles-Ville. Le deal était simple, vous payez, on abat votre mouton et vous récupérez la marchandise. Sauf que hier, après-midi, les camions n'étaient pas arrivés dans les communes. Hier soir, les camions n'étaient toujours pas arrivés dans les communes et on sentait bien que dans les communes qui dépendaient du site unique, on était très fort dans l'embarras. Extrait du JT. Hier soir, à Schaarbeek, où la préposée a du mal à expliquer l'inexplicable. Il n'y aura pas de livraison avant 20h-20h30. Cependant, il y en a qui auront demain matin. Mais on ne sait pas me dire et on ne sait pas vous dire si ça va être... Donc on le sera 20h-20h30. Voilà, et au final, on n'a pas su dire, puisqu'apparemment, certains, ce matin, n'avaient toujours pas reçu leur mouton. Qui a foiré? Ça a le mérite d'être clair. Mélanie Joris, avez-vous un nom à nous proposer? Oui, alors d'abord, j'ai tenté de joindre Salah Echalaoui, le président de l'exécutif des musulmans de Belgique. Sans succès, malheureusement, sa boîte vocale est pleine et il ne répond pas à mes SMS. Alors j'ai tenté de décrocher une interview avec le ministre-président de la région de Bruxelles-Capitale, Rudy Vervoort. Son agenda ce matin est très plein. Il ne pourra pas se joindre à nous pour cette interview, mais son conseiller en charge du dossier pourra répondre à nos questions. Il s'agit de Noé Martens. Avant cette interview, eh bien déjà un complément d'information. La mise en place d'un seul et unique abattoir mobile devait faciliter la vie des musulmans de Belgique. Sa mise en place était le résultat d'un travail collectif entre la région bruxelloise, les communes d'Anderlecht, Bruxelles-Ville, Molenbeek et Schaarbeek, ainsi que l'exécutif des musulmans de Belgique. Alors précédemment, les abattages se faisaient dans des installations temporaires. Seul problème, on se situait dans une certaine zone grise au niveau de la législation. La région a donc décidé d'agir et de faire appel à un prestataire de service, ITC. Soit les fidèles commandaient un mouton auprès de la société ITC qui se charge de l'emmener à l'abattoir, soit ils commandaient un mouton chez un éleveur et communiquaient les coordonnées de celui-ci AITC qui devait coordonner le transport de la bête vers l'abattoir. Malheureusement, le prestataire de service n'a pas pu suivre le rythme. Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Laisser un éclairage à Zoé au standard. Le problème pour Eliana de Vizier, c'est que la région devait faire un sans-faute pour l'Aïd avec une mauvaise organisation et des erreurs de débutants. Ils incitent les gens à continuer le sacrifice en stoumeling. Qui a foiré? C'est la question claire de ce matin. Rendez-vous à 10h45. C'est vous qui le dites. En attendant, vous avez choisi une conversation sur cet agriculteur de Wans qui samedi a pulvérisé son pesticide pendant une heure juste à côté du terrain de foot où jouaient les jeunes. Cet homme est-il un inconscient ou il a juste fait son job? 0 70 233 466 par SMS au 3063. Dans moins de 4 minutes, nous parlerons au papa qui a filmé les images de l'agriculteur. Mais d'abord, nous sommes dans la zone, à Wans. Eugène, bonjour. Oui, bonjour Benjamin. Je sais qu'il y avait des agriculteurs dans votre famille. Oui. Cet homme, il se tracasse pas des enfants? Il pulvérise sans se tracasser de la santé de nos jeunes? C'est pas qu'il ne se tracassera certainement du problème des jeunes, etc. Mais de toute façon, le problème, c'est que lui aussi a certains impondérés. Il doit pulvériser dans des conditions de température, d'hygrométrie. Tout ce genre de conditions, pour lui, doivent être respectées aussi. Qui prime? Alors, la technique ou la santé des jeunes joueurs de foot? Qui prime? Écoutez, au niveau du terrain de football, là, de Wans, il n'y a qu'une seule solution, alors. Le terrain est occupé samedi et dimanche, tout le temps, en permanence. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire? Décaler son boulot? Ce fermier a 50, 60 hectares à travailler. Il ne peut pas décaler comme il veut. Il ne peut pas. Et si, Eugène, le scénario du pire, et si les enfants, un jour, contractaient quelque chose? Vous me direz encore, on ne pouvait pas décaler? Contracter quelque chose, ils contracteront éventuellement, je vais dire, dans leur vie, ils contracteront autre chose. Écoutez, ils habitent la campagne, ils ont en permanence peut-être quelques impondérés. Mais le problème de la plupart des gens qui rouspètent sur le fermier qui faisait un travail, ils rouspètent de toute façon sur tout. Mais pourquoi il explique pas? Il y a une question de papa qui est en fait une demande de pédagogie. Monsieur l'agriculteur, je voudrais savoir. Il n'aurait pas compris, monsieur. Il n'aurait pas compris. Le fermier se serait arrêté. Il aurait dit, écoutez, ce produit n'a aucune influence sur la santé des jeunes. Les gens ne l'auraient pas cru. Les gens sont égoïstes. Et ils ne voient que leur propre petite... Donc l'agriculteur a bien fait de rester dans sa cabine et de remettre le pied sur le gaz et de continuer. De continuer son travail, effectivement, oui. Je retiens alors dans ce cas-là, Eugène, que de toute façon le papa n'aurait pas compris. Il est 10h40 et on appelle les experts. Le voici donc, ce papa qui a filmé la scène et l'agriculteur en plein travail. Pascal François est en ligne, bonjour. Bonjour Benjamin. Vous allez nous réexpliquer ce qui s'est passé samedi matin. Quelle est la nuisance que vous subissez? Comment cette pulvérisation vous impacte? En fait, on est en déplacement donc dans ce club de Bazoa avec plusieurs équipes, les U14, les U15, et on dispute le match. Et un agriculteur est occupé effectivement dans un champ. Première intention, on regarde sans trop être bouleversé par ce qui se passe, jusqu'à ce qu'on comprenne qu'il était en train de pulvériser avec un engin pour le moins impressionnant sur le plan du bruit, mais ça, on a l'habitude, on habite à la campagne, c'est absolument pas dérangeant. En revanche, on met quelques minutes à comprendre qu'il pulvérise un produit, et on se dit, ouais, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ce produit? Oui, ce produit, il vous touche? Vous le sentez? Il y a du liquide qui vient sur vous? Il y a quoi? Très légèrement, effectivement. Donc, il n'est pas localisé au pied du sol comme ça, contrairement à ce que je peux entendre. Il est en train de se déplacer très légèrement avec le vent. Il nous humidifie très légèrement, mais sans nuisance réellement tactile. On ne peut pas dire qu'on a été irrité, on ne peut pas dire qu'on a eu de l'urticaire. Donc, je vous pose la question de Michel Aspa tout à l'heure. Est-ce que vous êtes mort? Est-ce que votre peau a fondu? Absolument pas du tout. On est encore là, en tout cas, à l'heure où je vous parle en bonne santé. Alors où est la gêne? Parce qu'à ce stade-là, c'est léger quand vous le racontez comme ça. Où est la gêne? La gêne, c'est vraiment qu'on se retrouve, nous, habitants de la campagne, parce qu'on n'est pas dérangés par les agriculteurs, contrairement à ce que l'auditeur précédent disait. On n'est pas des parents radeurs, on n'est pas des réacs, on n'est pas des écolos intégristes, pas du tout. On a l'habitude de vivre dans un environnement agricole, on est tous du coin, et on a tous pour habitude de voir des tracteurs fonctionner. Là où on n'a pas l'habitude de voir un événement comme celui qu'on a vu samedi, c'est effectivement de la pulvérisation pure et dure comme celle-là. Est-ce que vous étiez le seul papa gêné, parce que j'ai entendu cette suspicion tout à l'heure. C'est un groupe de 5-6 qui se monte la tête et les 290 autres, ils continuent à jouer. Tout le monde a continué à jouer, objectivement. Le match n'a pas été interrompu. Ça n'a pas été une situation de crise. Ça a été une interpellation collective de plusieurs dizaines de parents. Ça, c'est une réalité. On n'a parlé que de ça pendant quasiment toute la durée du match. Est-ce qu'entre-temps, vous avez eu un contact avec l'agriculteur ou toujours pas de réponse ? Non, quand on a voulu se diriger vers là, il a quitté le champ et donc on n'a pas pu avoir un contact formel avec lui. Il a fui ? Non, je ne sais pas s'il a fui, je sais pas s'il avait terminé son travail, s'il a fui. Non, ça, objectivement, ce serait aller trop loin que de dire ça. On a voulu se rendre vers lui, il est parti, mais il est peut-être parti parce qu'il avait terminé son travail aussi. Donc, mais est-ce que vous étiez, je ne connais pas votre profession, est-ce que vous étiez à même de comprendre la spécificité technique du produit dont il vous aurait parlé ? Mais en fait, on avait un ingénieur agronome qui faisait partie des parents, d'une part. On avait un jardinier qui est plutôt spécialiste de l'environnement aussi à sa mesure. Et on avait un médecin à côté de nous. Donc il y avait quand même quelques personnes qui auraient été, j'imagine, amenées à comprendre l'explication qu'on aurait pu recevoir. Mais pas plus tard que ce matin, j'ai discuté avec un de mes amis qui est ingénieur agronome et qui m'expliquait que s'il avait été là, il aurait aussi, lui, été inquiet parce qu'on ne pulvérise pas de l'eau sur des terrains un samedi matin comme ça dans un champ aussi important que celui-là. Donc, pourquoi vous n'avez pas arrêté le match dans le fond ? Lui continue, mais vous, vous pouviez arrêter le match, c'était ça votre arme ? Peut-être, oui, peut-être qu'on a passé plus de temps à discuter, à débattre et à s'inquiéter que d'agir réellement en arrêtant la rencontre. Mais très sincèrement, c'est monté en puissance au fur et à mesure des minutes aussi, le temps qu'on comprenne ce qui se passe, qu'on puisse se dire, tiens, on va quand même filmer pour montrer, pour garder une trace. Et puis ensuite, commencer à discuter les uns avec les autres et mesurer ce qui se passe en face de nous. On n'a jamais accusé l'agriculteur de pulvériser des produits toxiques parce qu'à l'heure où on se parle, on ne sait pas ce qui pulvérise vraiment, on ne sait pas quel est le niveau de nuisance potentiel. On s'est juste inquiété par phase au fil des minutes et on s'est dit à la fin, mais enfin, c'est quand même très très gros ce qui se passe là. Mais voilà, on a quitté le terrain sans réponse. Et puis l'affaire a pris un peu d'ampleur, ce que je trouve normal, moi. Rapidement, les enfants, ils se sont plaints ou ça c'était transparent pour les enfants ? Les enfants étaient à fond dans leur rencontre, voilà, ils ont 14 et 15 ans. Je pense que ce qui animait les parents, ce qui les occupait, est passé au-dessus de la tête des enfants, très objectivement. Ils ont joué dans un match de football et ils se sont inquiétés de la situation après en se demandant pourquoi les parents étaient en train de monter dans les tours. Ah, donc c'est une conversation d'adultes que nous avons eue pour un problème d'adulte. Merci Pascal François d'avoir raconté les faits et répondu aux interpellations qui étaient nombreuses depuis le début de cette deuxième partie. Vous êtes papa d'un joueur de foot, donc merci de nous avoir rejoints. C'est vous qui avez filmé les images. On va se connecter au 070-233-466, Zoé, avec l'impression que dès qu'on se plaint des pesticides, c'est qu'on est un citadin. Oui, Yves de Beausursur me l'a dit, dès qu'on se plaint des pesticides, c'est que forcément qu'on n'est pas habitué à la campagne. Il n'est pas agriculteur, mais vit à la campagne depuis qu'il est né. Pour lui, le problème, ce sont tous ces citadins qui viennent habiter ici et ne savent rien des habitudes locales. Quoi ? Comment ? Il y a des fermiers à la campagne qui répandent des pesticides. Bravo, il serait temps d'atterrir, nous dit Yves. Si les parents ne sont pas contents, ils n'ont qu'à aller vivre en ville ou envoyer leur enfant plus tard au foot. L'agriculteur était là avant eux. Et s'il répand des pesticides dans son champ, ce n'est pas par plaisir, mais par obligation. Son champ, c'est son gagne-pain, nom de Dieu, nous dit Yves. L'entente sportive Wans, Bazoa, Antet, où le terrain est occupé l'ensemble du week-end. On va marquer une nouvelle pause et puis la question qui dérange. Hier, c'était un moment important pour les musulmans, la fête de l'Aïd, la fête du sacrifice. Eh bien, Bruxelles a complètement raté ça. Qui a foiré ? Réponse dans un instant après la pause. Viva Bruxelles est là de présente Bruxelles Champêtre. Participez à la plus grande fête urbaine et citoyenne le dimanche 18 septembre. Dans le Parc Royal, rencontrez plus de 100 producteurs locaux et petits brasseurs. Laissez-vous tenter par des animations des plus insolites. Vous n'aurez pas assez d'une journée pour tout découvrir. Info sur bruxelleschampêtre.be avec le soutien de la région de Bruxelles Capitale. Info et bonne humeur, la bande du 8-9 revient demain. De 8 à 9 pour bien démarrer la journée. Coa, coa, coa se la grenouille. L'été bientôt là, elle remontre sa bouille. Pédale Lucien au milieu des boas. Comme tu te sens bien, coa, coa. Visqueuse grenouille. Lucien glisse et son vélo crie ouille. Tu t'es fait battre, Lucien, par un batracien. Voilà pourquoi les AP Assurances vous proposent l'assistance vélo. Une assistance 24 heures sur 24 pour toute la famille à 60 euros par an. Plus d'infos sur lap.be. Les AP Assurances, toujours à vos côtés. Ceci est un produit d'assurance d'AGA International SA Belgian Branch. Pendant les BMW Innovation Deals, il y a déjà une BMW Série 1 Edition à partir de 21 950 euros. Profitez-en jusqu'au 15 octobre. Vous souhaitez gagner une nouvelle plaine de jeu pour votre commune? Rapportez toutes vos piles usagées dans un point de collecte Bébat de votre commune entre le 1er et le 30 septembre. Si votre commune collecte le plus de kilos par habitant, cette nouvelle plaine de jeu Bébat sera pour vous. Pour plus d'infos, regardez vite sur bébat.be. Bébat! Recycler ensemble, c'est mieux pour la nature. C'est vous qui le dites, la question qui dérange. Dans un instant, sur le plantage de la région bruxelloise, hier, fête du sacrifice, certains n'ont pas reçu le mouton qu'ils attendaient, d'autres ont peut-être même été livrés ce matin. On appelle dans un instant le chargé de dossier à la région bruxelloise. Mais d'abord, un dernier éclairage au standard, Zoé. Et le problème pour Mohamed de Laken, c'est que les musulmans sont une fois de plus pénalisés dans une période où la communauté musulmane est déjà au centre de toutes les polémiques. Les empêcher de faire l'Aïd, c'est vraiment un coup bas et ce n'est certainement pas un hasard, nous dit Mohamed. Donc, 655 musulmans s'étaient inscrits pour profiter de ce nouveau système à Bruxelles, un site d'abattage unique et puis le mouton livré dans les points de récupération. Ça n'a pas marché. En charge du dossier est conseiller du ministre-président de la région de Bruxelles-Capitale, Rudy Vervoort. Noé Martens en ligne. Bonjour. Bonjour. Est-ce que certains musulmans ont vraiment reçu leur mouton ce matin? Alors écoutez, la chaîne d'abattage a recommencé à fonctionner ce matin en effet. Et donc... moi, je suis sur site depuis 9h et on m'annonce qu'il y aurait encore à peu près 250 moutons qui devraient être livrés aujourd'hui. Tout sera fait aujourd'hui, me dit-on également du côté du prestataire, parce que je rappelle que c'est un marché public qui a été remporté par un prestataire externe. Je rappelle aussi, j'en profite pour rappeler que le système mis en place par la région est tout à fait professionnel. C'est une chaîne d'abattage qui est conforme à la législation européenne et belge et qu'on l'a mise sur pied. Pas sans raison, mais simplement parce que les abattoirs temporaires qui étaient organisés par les communes par le passé ne répondaient plus à la légalité. Donc, alors attendez, je reprends justement... les éléments à un. Donc ce matin, 10h49, il y a 250 familles qui ne sont toujours pas livrées, correct? C'est exact. Mais la fête de l'Aïd, c'était hier. Est-ce que la région bruxelloise, puisque vous en assumez la responsabilité, présente ses excuses ou vous ne vous estimez pas responsable? Eh bien, donc, comme je vous le disais, nous avons lancé un marché public, puisque la région bruxelloise n'est pas un boucher ni un abatteur. Et donc, nous avons lancé un marché public qu'une société a remporté suite à un appel d'offres. Et c'est bien entendu cette société qui est l'opérateur, qui est responsable. Et nous sommes effectivement tout à fait désolés. Nous présentons nos excuses aux fidèles qui n'ont pas pu fêter hier. Il faut se savoir que la fête peut s'étendre sur 3 jours. Ceci étant, bien sûr, on est tout à fait solidaires avec les familles qui n'ont pas reçu leur mouton hier. C'est... une façon de fêter, mais le responsable principal, c'est le prestataire. Qui est ce prestataire? ITC, c'est quoi comme boîte? Ces gens viennent d'où? C'est quoi comme type d'entreprise, ITC? C'est une SPRL située à Lokeren qui a remporté le marché public et donc avec laquelle une convention a été passée. Cette convention précise les obligations respectives de la région et d'ITC. Et autant ITC a mis en place un abattoir ultra moderne, autant la gestion de l'abattoir même hier a laissé à désirer. Et ce qui a laissé à désirer aussi énormément, c'est l'encadrement des fidèles et leur information. Parce que les gens sont restés sans nouvelles. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas tolérer, bien sûr. La gestion qui laisse à désirer hier, c'était quoi? C'était un manque de personnel? C'était un manque d'infrastructure? C'était quoi? Il y a eu plusieurs éléments. Tout d'abord, comme la chaîne est ultra moderne, il y a eu, si vous voulez, une phase d'apprentissage du personnel qui est tout à fait qualifié, mais qui a dû se familiariser avec un design nouveau des conteneurs d'abattage. Ça, c'est la première chose. Et puis, il y a eu apparemment un problème informatique et également une pompe qui a lâché temporairement. Donc, tous ces éléments mis bout à bout ont fait qu'un retard important a été pris, effectivement, avec la conséquence que l'on sait. Est-ce que cette entreprise va devoir payer des astreintes? Est-ce qu'il y aura sanctions? Est-ce que cette entreprise va devoir vous rembourser de l'argent? Alors, il est particulièrement évident que nous allons évaluer attentivement tous les aspects du contrat qui a été passé avec ITC et que les conséquences éventuellement juridiques en seront tirées. Donc, bien entendu, on fera ça à tête reposée, pas aujourd'hui, pas à vous donner une réponse ferme. Mais l'analyse sera faite et s'il faut que ça se termine en justice, c'est là que ça aboutira. C'est un marché de combien? Donc cette entreprise qui a remporté le marché et qui s'impose, c'était un marché de combien d'euros? De 225 000 euros, ce qui équivaut grosso modo à ce que les communes payaient auparavant pour les abattoirs temporaires. Donc on est exactement dans la même fourchette. Est-ce que vous avez senti auprès du management de cette entreprise comme une forme de gêne, d'embarras, un aveu d'incompétence? Quelle est leur attitude ce matin? Non, dans cette entreprise, ce sont des professionnels du secteur de la viande, donc il n'y avait pas d'embarras, ils étaient confiants eux-mêmes dans leurs propres produits. Et donc je pense qu'ils ont été comme nous surpris et que sans doute eux ont sous-estimé l'ampleur de la tâche. Pourquoi ils n'ont pas continué à travailler cette nuit ? Ah, parce que l'abattoir est agréé par l'AFSCA et que les abatteurs peuvent travailler un nombre d'heures déterminé et que l'abattoir ne peut pas tourner 24 heures sur 24. Est-ce que les musulmans qui n'ont pas reçu leur bête hier en temps et en heure peuvent se retourner contre quelqu'un ? Contre vous ? Contre ITC ? Mais quel recours maintenant ? Mais je pense que tout d'abord, il y a une chose que je voudrais préciser parce que j'entendais qu'une personne qui n'a pas reçu son mouton se plaignait, se sentait stigmatisée en tant que musulman. Il y a une chose fondamentale qu'il faut savoir, c'est que la région a fait un très très grand effort pour justement mettre sur pied cet abattoir, précisément pour satisfaire une demande des fidèles musulmans. Un abattoir de ce type n'existe ni en Wallonie ni en Flandre. Donc si vous voulez, ici, malheureusement, ça se passe mal, mais la région, contrairement au sentiment de ce monsieur, elle essaie de tout faire pour que les gens puissent vivre leur foi dans les meilleures conditions sanitaires et légales. Ah, mais alors voilà. Malheureusement, il va falloir se contenter du constat, effectivement. C'est que cet effort n'a pas été suffisant, puisque c'est ce matin un échec. Merci Noé Martens d'avoir été transparent avec nous. Vous êtes conseiller du ministre-président de la région de Bruxelles-Capitale, Rudy Vervoort. On va maintenant vers les enseignements de ce C'est vous qui le dites. En septembre, ça va bouger dans les sous-sols bruxellois. Musiciens, danseurs ou créateurs, les artistes s'emparent des stations de la STIB à l'occasion de Wonderground. Wonderground, le festival des arts pour les 40 ans du métro, du 16 au 25 septembre. Plus d'infos sur stib.be. Bruxelles, c'est nous tous. La STIB. Et en accompagnement, le chef vous propose un émincé de rhizome de soja aux graines germées de navet chilien. Non merci, je préfère nature. Votre maison aussi, préférez la nature avec Naturhome. Découvrez vous aussi la qualité des maisons et villas en bois Naturhome lors de nos portes ouvertes à Anus le 18 septembre après-midi. Info sur naturhome.be. Naturhome, naturellement exceptionnel. Viva Bruxelles présente la fête des familles pour l'inclusion des personnes handicapées. Dans une ambiance festive, participez à une foule d'activités pour tous, aux ateliers créatifs, à des spectacles ludiques. Rendez-vous le 17 septembre au stade Tordelt à Skaarbeek pour la fête des familles, à l'initiative de la commune de Skaarbeek et du gouvernement francophone bruxellois. À découvrir en avant-première chez CGO Center, la nouvelle Seat ATK. Porte ouverte du 15 au 24 septembre avec des super promos sur tous nos véhicules de stock. CGO Center, avenue Louis de Brouckère, 34-36. Il était une fois Baba, Ali Baba. Il habitait une grotte au milieu du désert. Oh, crotte, zut, j'ai encore oublié le code pour sortir d'ici. Eh oui, même dans les comptes, l'accès à une boîte aux lettres est parfois compliqué. Vazam, ouvre-toi ! Instagram, ouvre-toi ! Crotte, c'est pas ça. C'est alors que Parthenamut inventa des solutions digitales pour permettre d'envoyer ses demandes de remboursement à l'assurance complémentaire via son smartphone ou son PC. Ah ouais, ça le fait, ça. Rendez-vous vite sur parthenamut.be/connect ou sur votre plateforme d'application préférée pour les télécharger. Parthenamut, on vous simplifie la santé. Combien demanderiez-vous pour couper votre petit orteil ? Le petit orteil ? Tu peux demander ce que tu veux ? 60 000. Allez bon, 1 million. 2 millions alors. Devenir handicapé, ce n'est pas un choix. 80% des handicaps surviennent au cours de la vie. Cap 48. Pour que le handicap ne soit plus un handicap. Chez Volkswagen, la solidarité nous tient à cœur. Chaque matin, Benjamin Maréchal vous donne la parole. C'est vous qui le dites. Nous voici au moment des enseignements. Le débrief question qui dérange sur le plantage hier à Bruxelles. Sacrifice du mouton, jour de la fête de l'Aïd. Sur la page Facebook, Marie-Ange Motte. Vous êtes 40 896 à faire le débat sur la page Facebook de C'est vous qui le dites. Et beaucoup de compassion sur notre page Facebook, notamment ce commentaire de Michel. Elle se met à la place des musulmans. Et si la même chose arrivait lors de nos fêtes de fin d'année, eh bien nous serions tous très déçus, tout comme la communauté musulmane était hier, écrit Michel. En Belgique, quand nos politiques prennent une décision, cela ne marche jamais du premier coup. Après, il ne faudra pas s'étonner que pour les prochaines fêtes musulmanes, ils feront leur sacrifice à leur façon. Michel réclame des excuses de la part des organisateurs auprès de la communauté musulmane pour avoir gâché leur fête. Vous avez choisi une conversation sur cet agriculteur de Bourance qui a pulvérisé son pesticide pendant une heure juste à côté du terrain de foot. Dans les enseignements de ce matin, vous nous avez signalé que les impératifs des agriculteurs étaient nombreux. dont la notice d'utilisation des produits qui empêchent de pulvériser à tout moment quand on en a envie. Les mots des experts, le papa avait la capacité de comprendre la composition du pesticide, il était entouré par un médecin et un ingénieur agronome, et puis un regret que l'agriculteur n'ait pas dialogué. Dernière personne à laquelle vous avez parlé au standard, Zoé. C'était Marc de Racourt, il est agriculteur bio. Il faut faire la distinction entre un ouvrier agricole qui travaille avec une entreprise et qui doit remplir un planning précis et un agriculteur responsable de son horaire qui sait faire une pause. À 9h, trois débats sur la table. Vous avez choisi d'aller plus loin sur l'agriculteur qui envoie son pesticide sans jamais s'arrêter. Parmi les moments de ce matin, il y a eu Michel de Spa à 10h15 et il nous le dit, les agriculteurs sont l'objet d'agressions multiples et pourtant c'est grâce à eux qu'on remplit nos assiettes. Si je comprends le raisonnement du monsieur, hein, tous les terrains de foot qui se trouvent aux abords des autoroutes, ben faut les arrêter, faut arrêter. À part se faire agresser les agriculteurs, hein, c'est tout ce qu'il faut. Mais par contre, ce qu'on a dans notre assiette, c'est grâce à qui? C'est comment aux agriculteurs. Maintenant, son travail, c'est sûr qu'il doit le faire, mais bon, c'était vraiment pas le jour approprié. Tout ce qu'on met sur les terres, c'est chimique, c'est nocif. Il suffit de consulter la liste. Il n'y a pas de législation bien spécifique sur ça. Il y a une désinvolture des pouvoirs publics, parce que bon, les agriculteurs, ils ont des lobbies, ils sont suivis par la grande consommation. Quand il y a une réclamation des parents, bon, la moindre chose, c'est d'arrêter son tracteur, d'avoir une discussion et de dire oui, mais est-ce que c'est tous les samedis ici? Peut-être qu'à ce moment-là, je pourrais changer mon programme, ou c'est un match qui vient à l'improviste. Il faut quand même signaler que si on ne pulvérise pas, il n'y a pas de nourriture, et s'il n'y a pas de nourriture, les gens n'ont pas à manger. Donc voilà, moi je pars simplement du principe que la critique est très très très très facile. Si c'était vraiment si dangereux, il y aurait eu des normes et des réglementations encore plus strictes, qui sont déjà très très strictes. C'est déjà très strict, mais alors on interdirait de pulvériser autour de tous les terrains de foot. Je pense que s'il y avait vraiment eu un danger, on aurait déjà été alerté. Notre jardin jouxte une très grande propriété où on a planté cette année-ci des pommes de terre, et je peux vous dire que c'est tous les jours qu'on pulvérise. Et alors, ça sent excessivement mauvais. Et j'ai même constaté un jour que des petits arbustes que j'avais plantés, eh bien, les feuilles des arbustes étaient toutes cramoisies, avaient des berries, quoi, si vous voulez. Donc, ceux qui mettent, ce n'est sûrement pas très bon. Concernant le match de football, je crois que un peu de bon sens, un peu de sens civique aurait fait que l'agriculteur aurait pu s'arrêter, oui. Et voilà pour nos deux heures de dialogue qui continuent sur la page Facebook. Tous les débats sont encore en cours, dont celui de l'Aïd, puisque c'est pas réglé. À demain.